Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Déviation. On continue notre épopée. C'est le dernier épisode qu'on fait sur l'année 2020. On fait une petite rétrospective. On voit ce qu'on peut attendre de l'année 2021. On a convoqué des anciens invités d'émissions précédentes, donc Brice notamment. Salut Brice. Salut. Mais aussi de nouvelles personnes. Quelqu'un qu'on espère avoir dans l'émission sur des épisodes prochains et qui fait ses premiers pas ici. Johan. Bonjour Johan. Bonsoir, bonjour, je sais pas. Et du coup, Jonathan, qui est toujours ici. Toujours là. Salut. Qui fera des intros la prochaine fois, hein, parce que c'est à moi de me taper tout le boulot là depuis quelques épisodes. Hein, c'est pas faire. Mais tu le fais tellement bien. Oui. Bon. Alors, du coup, cette année 2020, on a pu avoir pas mal de témoignages différents de personnes selon les ressentis. C'est vrai que c'était, bon, on le rappelle, une année un peu particulière. Si quelqu'un nous écoute dans les années à venir, c'était vraiment une année un petit peu particulière pour nous tous. Vous, comment est-ce que vous avez ressenti cette année en quelques mots, Johan? Bah, c'est vrai qu'au début, un peu comme tout le monde, j'étais d'abord content d'être à la maison, etc. Je crois comme beaucoup de monde, du coup. Mais moi, je l'ai vécu, je pense, en fait, de façon assez... je me suis réorienté vers des choses qui m'intéressaient un peu avant, où je n'avais pas forcément le temps de m'y pencher, etc. Et puis, finalement, je ne l'ai pas si mal vécu, en fait. Mais oui, je ne sais pas comment vous l'avez vécu. D'accord. Brice, toi, comment t'as vécu la chose ? Oh, moi, je pense que le Covid, c'était un détail dans cette année 2020, clairement, marqué par la débâcle. non, ouais, je crois que c'était la pire année de ma vie, clairement, et le Covid, c'était vraiment un détail. D'accord. Genre entre les décès dans la famille, les décès des potes, les maladies, les problèmes financiers, enfin bref. Ouais, Hécatombe. Donc j'étais content de l'arrivée de 2021. Ok. Et accessoirement, j'ai perdu mon taf aussi. Ah yes. Accessoire. Je comprends, on en parlera. Tu vois la bonne ambiance comme ça dès le début là, pour lancer le podcast. C'est ça. Jonathan, je te pose pas la question. C'est vrai qu'on y a déjà répondu, on est là à chaque fois. Donc après, on rebondira peut-être sur des choses. Mais Jonathan, résume ce qu'on avait dit un petit peu sur les derniers épisodes. Non, mais c'est vrai que c'est toi qui avais amené le côté... Ça serait pas une vengeance, ça. Non, c'est pas une vengeance. Un terreau surprise. Non, mais tu sais, par rapport au fait qu'on a eu le temps de faire des choses. Yes, ouais, tout à fait. Non, globalement, je pense qu'avec Victor, nous, on l'a plutôt bien vécu parce qu'on est un peu des ermites. Et clairement, pour être chez nous, ça ne nous a pas trop dérangé de rester enfermés. Il y avait aussi le côté où ça a permis de se recentrer sur des côtés un petit peu plus créatifs. Je pense que déjà avec Victor, on a lancé le podcast qui était pour nous... vous imaginez peut-être pas, mais c'est beaucoup, tu vois. Rien que de faire ça. Et puis, même au-delà de ça, ouais, de lancer pas mal de petits projets qui n'aboutissent pas forcément, mais d'avoir plus de temps pour côté créatif. Et c'est un peu ce qu'on avait retrouvé chez certaines personnes aussi. Donc voilà. Pour résumer, c'était un peu ça notre année 2020 avec Victor. C'est une année qui a permis, permis d'avoir le temps de l'expérimentation aussi. C'est important, je pense, de tenter des choses. Et c'est vrai que peut-être que Johan, tu pourras nous en parler, étant donné, déjà, toi, t'as pas vécu la même année 2020 que nous, parce que tu ne vis pas en France, tu vis chez l'ennemi. De l'autre côté du Rhin. De l'autre côté du Rhin, voilà. Et du aussi... mauvais côté du Rhin. Et surtout aussi, bah, tu es quelqu'un qui est créatif. Depuis qu'on se connaît, t'as toujours eu le besoin, notamment, de faire de la musique. Flatteur. Il me semble que tu fais pas mal de dessins aussi. Non, je faisais beaucoup de photos, mais oui, c'est photos vrai que aussi. Le dessin, ouais. Ça n'a jamais été vraiment mon truc. Ok. Ouais, mais là, c'est vrai que cette année, j'ai pas trop mal vécu. En fait, je vois ça pas mal avec le contraste de ma copine, qui est quelqu'un qui a vraiment besoin de sortir tous les jours, prendre l'air, de faire des trucs, qui a vraiment besoin du côté social de la vie. Et moi, comme t'as dit Jonathan, je vous rejoins plus sur le côté ermite. Et Oui, c'est vrai que cette année, ça m'a un peu manqué aussi le côté social dans le créatif, parce que c'est aussi voir du monde, etc. Enfin, c'est comment réussir à créer, avoir de la créativité, etc., dans un contexte qui est complètement plat. Ouais, ça nourrit, le social nourrit un peu le créatif. C'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai que j'ai pu penser sur d'autres choses que je n'aurais pas forcément pensé créative. Par exemple, je me suis mis à faire de l'électrotechnique et des trucs comme ça, et je me suis mis à programmer des ordinateurs, etc., qui a un aspect pas du tout créatif dans le sens artistique, mais qui est quand même, enfin, j'y trouve quand même une sorte de créativité. Et c'est un côté que j'ai pu développer grâce à cette année, en fait. Mais ouais, pour revenir au contraste avec ma copine, elle le vit complètement dans l'attente de quand est-ce que ça va être fini et de nouveau comme avant, et pas du tout comme une sorte d'opportunité, en fait, pour faire d'autres choses. Mais ouais. Et du coup, ce que tu fais là, l'électrotechnique, ça, c'est quoi par exemple? C'est réparer des appareils électroniques ou faire des petits montages, genre un cours de techno C'est un peu des cours de techno. Ouais. Mon coloc s'est foutu de ma gueule en disant que j'allais finir prof de techno. Parce que j'ai un multimètre, un fer à souder sur mon bureau maintenant. Non, en fait, c'était aussi un peu toi qui m'avais mis sur la voie avec les Raspberry Pi. C'est tout le délire des micro-ordinateurs, du délire qu'on appelle Maker, Do It Yourself. Mais de programmer des petits ordinateurs pour faire des fonctions plus ou moins basiques. Et en fait, ce que j'ai fait, en fait, j'avais un projet à la base, c'était que je voulais surveiller quand arroser mes plantes ou pas sur le balcon, quoi. Truc tout con. Et du coup, après, en me penchant là-dessus et tout, j'ai découvert qu'avec un Raspberry Pi, tu peux le faire, etc., en réseau et blablabla. Et puis, des capteurs d'humidité de la terre, d'humidité de l'air, blablabla. Et en fait, c'est complètement infini les possibilités que tu as avec ça. Donc, j'ai créé un espèce de petit système pour surveiller les conditions de culture, en fait, de genre 5 zones de culture, enfin, 5 pots, 5 plantes. Donc, après, en fait, tu finis toujours par trouver un autre problème, chercher une autre solution. En fait, c'est un petit peu de l'ingénierie, quoi. Et donc, ouais, j'ai fait un petit système de monitoring pour le balcon qui marche avec un panneau solaire. Et j'ai commencé à faire une mini-serre pour faire pousser des petites plantes. D'ailleurs, Ah oui, ouais. on voit Pour derrière la toi. lumière. Mais Mais ouais, ça, c'est les deux projets, en fait. c'est vachement intéressant parce que c'est vrai qu'avec le Raspberry Pi, il y a presque un côté jouet, en fait. C'est ça, ouais. Où en fait, tu t'achètes des petits capteurs pour tel truc, des petits éléments, une petite caméra pour ajouter. Et en fait, tu assembles ton truc de manière, enfin vraiment à la manière d'un petit robot en fonction de ce que l'objectif que tu veux faire. Il y a C'est des. ça. Avec les Raspberry Pi, on peut faire. Donc, les Raspberry Pi, pour remettre en contexte, c'est des tout petits ordinateurs qu'on peut avoir qui tournent sous Linux, en fait, très simplement, qui font à peu près la taille, qui sont d'une petite boîte. Comment décrire ça? 7-8 cm, ouais. C'est ça. En fait, ça a presque le format d'une carte de crédit, par exemple. Un petit peu plus grand qu'une carte de crédit, avec un peu de volume, forcément. Et on peut brancher tout un tas de choses dessus, un port HDMI, voilà, donc il faut de l'alimenter. En fait, c'est un petit ordinateur qui est quand même assez puissant et qui a été conçu, il me semble, à la base pour Des faire pays en des. mode. Voilà, pour améliorer la vie dans des pays en difficulté, notamment avec de la petite informatique, mais qui permettait de faire des choses très spécialisées. Et on peut faire des systèmes, par exemple, des systèmes domotiques, des systèmes. Bah, c'est un peu de la domotique ce que tu as fait, d'une certaine manière. Ouais, complètement. Des systèmes de sécurité ou des systèmes d'affichage. Par exemple, je sais que dans la médiathèque où je travaille, on a fait des affichages où on fait tourner des séries de photos ou de vidéos sur une télé de présentation avec juste un Raspberry qui est connecté à Internet et qui va chercher les trucs. Enfin, ça permet de miniaturiser des petits bah, voilà, de faire des petit truc informatique, mais sans avoir particulièrement besoin d'utiliser un énorme ordinateur. C'est ça. Mais il n'y a pas que les Raspberry Pi, il y a aussi, enfin, peut-être que vous connaissez aussi, mais c'est les Arduino. Ouais. Et ça, en fait, c'est des plus petites cartes qui sont encore moins puissantes et qui sont encore plus petites, en fait. Et il y a beaucoup de gens qui les utilisent aussi pour faire de l'art, pour faire des pièces interactives, ce genre de choses. Et c'est vraiment super intéressant parce que avec ça, en fait, j'ai eu l'impression de retrouver un peu un sentiment d'enfant qui découvre, mais pour adulte, en fait, qui. Un peu comme des Lego Technics, avec lui, on peut fabriquer des choses avec des éléments alimentaires en construisant des systèmes plus complexes, en fait. C'est ça. Et c'est surtout basé sur l'expérimentation, et c'est ça qui est super cool, en fait. Et j'ai des collègues qui utilisaient notamment les Arduino pour faire des ateliers avec des mini-robots pour les enfants. Et il me semble que les Arduino, c'est encore plus, vraiment, c'est des éléments qui se clipsent les uns sur les autres. Il me semble que c'est vraiment très très simple. Mais tout est fait pour avoir un peu un aspect jouet, genre les câbles de toutes les couleurs, les petites fiches qui s'emboîtent bien les uns dans les autres, tous les standards qui sont faits entre les connectiques, etc., et les propriétés électriques, en fait. Ouais, c'est vraiment fait comme un petit jouet. Et même le monde qui s'est créé un peu dans toute la communauté maker, c'est très coloré, c'est très jouet enfant, etc. Ce qui est aussi super intéressant là derrière, c'est qu'il y a une énorme communauté, c'est-à-dire que tout le monde va mettre en ligne ses projets. Tout le monde va, enfin, il va y avoir beaucoup d'activités pour dire bah, ça, peut-être qu'il n'y a pas pensé, mais ça. Et puis c'est ce qu'on appelle les projets open source, en fait. Et surtout maintenant, depuis les années, enfin, depuis les années 2010, il y a, je trouve, un grand retour à la mode, en fait, de tous ces trucs open source à tous les niveaux, en fait. Et ça aussi, c'est un truc qui est lié à ça, et que cette année, pour revenir au sujet, ça m'a beaucoup occupé l'esprit, en fait. Et est-ce que tu penses pas que justement tu as retrouvé peut-être le côté social à travers ces communautés, justement, qui justement pouvaient nourrir ton côté créatif et te donner des idées pour faire d'autres choses sans avoir à te confronter au vrai monde? Ah, j'ai pas pensé vraiment dans ce sens-là, mais maintenant que tu le suggères, ouais, totalement. Ouais. C'est un peu l'état d'esprit geek, en fait, Ouais, que les j'étais profs. quand j'ai grandi à la campagne Oui. et que je voyais pas trop de monde. Ok. Brice, toi, pour rentrer un petit peu plus dans le détail de ton année, est-ce que tu as pu justement prendre le temps de faire de. Je sais que, bah, étant donné que tu as fait des études dans le cinéma, je suis un peu comment tu vois, ton compte Sens Critique. Et c'est vrai que niveau cinéma, série, t'as consommé, enfin, tu consommes beaucoup. Est-ce que cette année, tu as plus consommé de cinéma et de séries que. Ouais, un petit peu plus. Après, déjà, je pense qu'il faut mettre en perspective un truc, c'est que nous, le confinement, on l'a quand même testé pendant très longtemps à la fac. C'est vrai. Ça a été un peu une habitude. C'est vrai. Donc, ça n'a pas non plus bouleversé nos vies. Après, ouais, ouais, j'ai pas mal plus de séries. Je me suis vraiment plus mis aux séries cette année, j'ai l'impression. Les films, c'est toujours de temps en temps quand j'ai le temps, quoi. Mais vu que, bah, ok, il y a eu le premier confinement où on était tous enfermés, mais après, enfin. Moi j'ai travaillé donc c'était comme tous les jours, et vu que je sors plus en soirée, c'était en fait ça n'a pas changé grand chose à ma vie à part porter un masque. Ouais, j'ai pas mal maté de films, pas mal de séries, beaucoup écouté de musique aussi. Je me suis remis à diguer un peu de la musique cette année, je pense. C'est avant j'écoutais passivement sans trop chercher, et là je me suis vraiment remis à diguer, donc voilà. Mais rien de fameux, quoi. Je suis resté dans la culture. Ok. Et t'as eu des projets particuliers? Parce que c'est vrai que, enfin, j'ai pas précisé, mais du coup, t'as peut-être pas vécu le même confinement. Enfin, c'est Jonathan et moi. Enfin, on a vécu un confinement plutôt en province. Enfin, Jonathan, je sais pas quelle est la taille de Non, c'est Liège, quand en même une fait. assez grande ville. Mais après, le confinement était beaucoup moins dur en D'accord, Belgique ok. qu'en France. Du coup, moi, j'étais pas spécialement confiné, enfin, c'est-à-dire que je pouvais me balader encore. Donc, j'ai aussi ce côté-là qui était beaucoup plus souple. En France, vous étiez vraiment cloîtré pendant un moment. Donc, Confiné, ouais. quoi. Ouais. Ouais, mais ici, ils connaissent pas trop la définition, tu vois. Donc... Ouais, mais c'est du belge. Hein. Voilà, exactement. Parce que ensuite, donc, bah, moi, je suis en province, hein, voilà, en région, comme disent les Parisiens d'ailleurs. À l'étranger, les Parisiens, ils disent. Voilà. Et Johan, tu es toi à Berlin, donc dans une capitale, mais pas une capitale comme là où habite. Habite Brice, donc qui habite à Paris. Et je pense qu'on peut parler de ça, de la différence de vie entre Berlin et Paris, qui sont deux capitales qui sont quand même, d'un point de vue urbanisme, au moins diamétralement opposées. Complètement. Mais ici c'était assez souple en fait. Mais pendant la première vague en France, en fait, le corona n'était pas trop arrivé ici. Il n'y avait pas beaucoup de cas. Et en fait, moi j'ai quelques amis qui travaillent à l'hôpital. Ils m'ont dit qu'ils sont plus ennuyé qu'autre chose pendant la première vague. Mais je l'ai vécu d'une façon assez étrange, moi, parce qu'en fait, il y a mon colocataire qui est devenu, qui a perdu les pédales, en fait, qui est devenu complètement. Enfin, qui a déclenché une schizophrénie, en fait. Ah oui. Et c'est tout loin d'être rigolo. Et surtout, en fait, ce qui a amplifié ça, moi, je pense déjà, ça a dû être un déclencheur, parce qu'il a perdu son travail. Et il y a le corona en fait qui a commencé en même temps. Mais c'était difficile en fait, comme la situation a empiré les choses déjà en le déclenchant et ensuite dans la prise en charge après, parce que en fait il fallait vider tous les hôpitaux pour réserver des places aux malades du coronavirus. Et donc même avec une schizophrénie, nous ayant menacé avec un marteau, enfin des choses assez sérieuses quand même. Il n'a pas été pris en charge à l'hôpital, etc., quoi. Et donc je l'ai vécu quand même d'une façon assez abstraite, le corona, disons que comme un peu ce que Brice a dit, c'était un petit peu en second plan, quoi. Ouais. Mais après, je vais pas raconter toute l'histoire, mais il a fini par déménager. Donc il était japonais, il est retourné au Japon, plus ou moins contre son gré, quoi. Enfin, à moitié contre son gré. Et après ça, ça a été pas mal l'ennui en fait, parce que Ah, donc avant ça bougeait pas mal, oui. et que d'un coup ça a été ouais, pas mal l'ennui. Mais ici, pour revenir à la situation un peu générale en Allemagne, je pense que c'est un pays où les choses sont très différentes aussi. Il n'y a pas un aspect capital et province comme en France, ça veut rien dire ici en fait, parce qu'il y a plusieurs grandes villes et que les États en fait décident chacun un peu pour eux des mesures. Et généralement dans le sud de l'Allemagne c'est beaucoup plus strict, donc en Bavière, etc. Et là je pense que le confinement a été assez dur aussi vu que ça a été pas mal touché. Mais à Berlin, pour être honnête, c'était toujours. Les gens râlaient surtout parce que les mesures n'étaient pas assez dures que pour le contraire, quoi. La ville est beaucoup plus calme, etc. Et les boîtes de nuit, les bars, même les bars, c'est que récemment qu'ils ont été fermés. Je crois que c'est en octobre ou en novembre. Mais le reste de l'année, même l'été, il y avait des fêtes, enfin des open air, plein de choses. Donc c'était pas si dur. En fait, le moment dur, il arrive que depuis maintenant, là, janvier. Parce que là, vraiment, tout est fermé, tous les magasins, même. Il y a vraiment que les supermarchés qui sont ouverts et les kiosques. Mais là, c'est le moment vraiment dur en fait, parce qu'il n'y a vraiment rien à faire. Et en plus, je pense qu'il y a une espèce d'effet de fatigue en fait chez les gens qui sont un peu résignés à rien faire. Et les gens en fait, de fait, sont beaucoup moins motivés à faire des choses en fait. Ils sont très résignés comme ce qu'ils n'étaient pas du tout en fait au début du confinement, quoi. Ouais. Donc, mais en fait, les règles ont été toujours assez light ici, ouais, faut dire. En fait, là, ce que vous vivez actuellement, c'est un peu ce que nous, en France, on a vécu au tout début. Ça a commencé par un truc hyper serré, où il n'y avait vraiment que les supermarchés d'ouvert, il n'y avait rien d'autre. Enfin, c'était vraiment les trucs essentiels uniquement. Et ensuite, donc, il y a eu le déconfinement et là, il reste malgré tout des trucs ouverts. Les magasins sont ouverts. On peut faire des, enfin, on peut aller dans des magasins qui sont pas jugés essentiels, qui sont pas uniquement alimentaires. Et on a la capacité de malgré tout de commander à bouffer. Les restaurants font de la vente à emporter, de la livraison. Non, ça Mais c'est sûr. par contre, on a le couvre-feu à partir de 18h. Ça, par exemple, ici, après, il faut savoir que, enfin, dans le contexte allemand, il y a quand même, ils font quand même très attention à la restriction des libertés depuis 70 ans. Pourquoi? Et, bah, ils ont un gros choc de la dictature du Troisième Reich, en fait. C'est super présent en Allemagne. Mais après, c'est vrai que pour eux, s'il y avait vraiment un truc, genre on n'a pas le droit d'aller à plus d'un kilomètre de la maison, ce serait très très très mal vu, en fait. Ce serait très très mal vécu par les gens. Parce que déjà là, il y a un gros retour des manifestations nazies, où il y avait quand même, je sais pas, une dizaine de milliers de personnes qui manifestaient contre le masque. C'était surtout un regroupement de gens de l'extrême droite, en fait. Et en Allemagne, c'est encore assez sensible, je pense, à ce niveau-là. Et c'est pour ça que les restrictions des libertés, elles sont quand même vachement moindres ici. Avec même à Berlin, tu voyais quand même pas mal de cas de gens qui voulaient pas mettre le masque, ou qui faisaient scandale au supermarché parce qu'ils devaient mettre un masque, ce genre de choses. C'était souvent des boomers, mais je pense ben, ça va avec le fait que c'est la génération d'après-guerre et que, en fait, ils ont une définition de la liberté qui est éloignée des gens de notre génération, en fait, je pense, qui est beaucoup plus centrée sur l'individualisme et l'individu que sur la liberté dans un contexte collectif, en fait. Mais non, c'est vrai que même maintenant, où les chiffres sont super alarmants et on devrait en fait tout fermer, etc., comme on l'a fait en France au début du confinement, ici, il n'y a pas de couvre-feu, tu peux toujours te balader. C'est assez relatif, en fait, ici. Ok. Et du coup, à Paris, pour faire le parallèle. Bah, à Paris, autant le premier confinement était un vrai confinement, où là, tout le monde s'est arrêté de bosser, enfin, la vie est arrêtée, autant depuis le début de l'été, c'est. Enfin. Il n'y a rien quoi, il n'y a pas vraiment de mesure. Les gens, ouais, il y a un couvre-feu, bah, du coup, les gens ils s'entassent plus tôt. C'est-à-dire que quand tu as 3 heures pour faire tes courses avant, bah, maintenant tu n'as plus qu'une heure pour faire tes courses. Et vu que Paris est peut-être une des villes les plus densément peuplées d'Europe, bah, ça crée des mini-clusters dans tous les 20 mètres. Le métro, il est toujours bondé parce que le métro, il est bondé tout le temps, même en temps normal. Donc non, ça change rien. Tout le monde travaille à Paris. Y a que les bars, les restos et la culture de fermer. Donc après, ils ont un peu poussé au télétravail, mais ça change rien quoi. Faut que tu mettes ton masque et que tu te taises et puis voilà quoi, pour essayer de pas l'avoir. Mais après, c'était assez agréable parce qu'on sentait quand même cet été notamment où il n'y avait pas de touristes. Et ça, c'était bien cool. Parce que les rues étaient calmes, les rues Les étaient vides, Parisiens n'étaient plus là en et plus. limite à la rentrée, bah, les Parisiens étaient à Deauville, les Parisiens étaient à Deauville ou à la Baule, et les étrangers étaient pas venus. Donc ouais, c'était assez calme, c'était assez cool. J'ai l'impression presque d'être à Berlin, tu vois. C'était, il y avait personne dans la rue, c'était large. Et après, bah, il y a eu la rentrée, et du coup, bah, là, c'est revenu tout. Tout le monde est revenu et c'est comme avant en fait. C'est juste qu'on a moins de liberté, mais au final, ça change pas grand-chose. Et du coup, bah, pour finir le tour, Jonathan, en Belgique, parce que j'ai cru voir qu'en fait, en général, la Belgique suivait un peu les mesures de la France, mais avec un décalage, à peu près. Alors après, ce qui est un peu compliqué, c'est que c'est un peu comme en Allemagne, c'est-à-dire qu'en Belgique, tu as les provinces qui vont avoir un droit de décision, et tu as aussi le gouvernement fédéral, enfin bref, tu as plein d'organes de décision, ils sont jamais d'accord entre eux. Et au-delà de ça, il y a en plus la guerre entre les Flamands et les Wallons qui persiste même là-dedans. Puisque, par exemple, pour le truc du couvre-feu, ils n'étaient pas d'accord, en fait. Et du coup, pendant un mois, ben, ils se sont battus pour fixer une heure de couvre-feu et trouver un compromis. Donc, en fait, le problème en Belgique, c'est que tout prend énormément de temps, puisque personne n'est d'accord et personne ne prend les mêmes décisions. Donc, quand tu changes, c'est pourtant pas très grand, mais tu peux changer d'endroit et ça va pas être les mêmes décisions, pas les mêmes mesures. Donc, c'est un peu le bordel de ce côté-là. Après, en ce moment, tout est fermé, mais ça reste relativement relax, c'est-à-dire qu'on a un couvre-feu à 22 h, donc bon, Ça c'est pas non plus trop contraignant. Et on peut aller se balader, il n'y a pas vraiment de mesures comme en France avec un papier, etc. Ou des limites de distance. Donc non, de ce côté-là, c'est plutôt tranquille, on va dire. Après là, ils ont quand même compris qu'il fallait un peu durcir les mesures, donc même au niveau des déplacements, ils vont avoir tendre à resserrer un peu la vis. Après, mais le problème, c'est qu'il faut aussi voir qu'en tout cas là où je suis à Liège, c'est une population c'est très pauvre en fait, et du coup, c'est des gens qui sont beaucoup anti-masques, beaucoup. C'est le genre de gens qui, au premier confinement, étaient allés au magasin acheter 10 litres d'huile pour faire des frites, tu vois, parce qu'ils avaient peur qu'il y en ait plus. Vous pouvez taper des vidéos sur YouTube, tu vois des dames sans masque qui. Parce qu'ils ont quand même mis un confinement pendant un moment, et tu vois une meuf qui rentre dans un bus, et le mec lui demande: Mais madame, il y a un confinement. Elle fait: Ouais, mais moi, je veux me balader. Alors que, enfin, mais c'est pas des gens. Enfin, si tu veux, voilà, c'est que c'est, on va dire, le climat global qui est un peu comme ça ici. Du coup, je pense que c'est aussi compliqué d'imposer des mesures très strictes. Les gens, ils comprendraient pas. Donc voilà. Mais j'ouvre juste une parenthèse, moi ça me faisait rire, du coup pour revenir sur le conflit entre flamands et wallons, c'est très drôle parce que, étant allé à Bruxelles il y a quelques années, tu vois les bâtiments officiels et genre à gauche du portail t'as une plaque dorée, là, les plaques dorées officielles où ils mettent genre tribunal de justice, et en fait à droite du portail t'as le même truc mais écrit en flamand. Et du coup, tu te dis, ils doivent dépenser 2 fois plus d'argent pour tout, quoi. Parce que juste, ouais, parce que, tu sais, c'est pas comme s'il y avait une langue principale dans le pays et une langue secondaire. C'est deux langues qui se battent pour la légitimité dans le pays. Du coup, elles veulent être à égalité, quoi. C'est pas vraiment Et un du pays, coup. la Belgique. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, et puis pendant le Covid, en plus, ça a accéléré la guéguerre, parce que les Flamands, en fait, ils ont vu, ceux qui ont le fric, clairement, ils ont des baraques dans les Ardennes, donc ils venaient se cacher dans les Ardennes, et les Wallons voulaient pas, du coup ils étaient dégagés. Par contre, pendant l'été, les Wallons voulaient aller à la mer, donc là où il y a les Flamands, et les Flamands les voulaient pas. Donc du coup, toute l'année dernière était rythmée par ces petites guéguerres incessantes qui sont accélérées. Mais tu sais, t'as vraiment l'impression que c'est une émission avec des guerres de voisinage, quoi. Complètement, ouais. Julien J'étais Courbet. tombé. Ouais, non, mais j'étais allé sur un truc où. Enfin, j'avais vu un truc où en fait il y avait une course de vélo plus ou moins wallonne qui passait par une province flamande, et du coup les gens avaient balancé des punaises sur la route pour que les pneus crèvent. Voilà, bref. Mais du coup, oui. Bah c'est intéressant, comme ça on a un petit panel européen de voir ce qui se passe dans les pays d'à côté. Non, après, par contre, ce qui est intéressant de relever, c'est que pour le coup, sans vouloir dire que tout est bien et tout, la France n'est pas non plus complètement dans la dèche, quoi. Parce que c'est vrai que quand on est en France, moi je vois que des amis, ils ont tendance à penser que toutes les mesures sont catastrophiques et tout. Bon, c'est vrai aussi sur pas mal de points. Mais à côté, ils s'en sortent pas non plus, tu vois. Donc, en Oui. tout cas, dans certains pays, même aux Pays-Bas, c'est pas ouf et tout. Du coup, c'est un peu la merde généralisée, et je pense que c'est bien aussi de le souligner des fois. À se regarder le bout du nez en disant ouais c'est nul chez nous, alors que bah ailleurs c'est pas forcément mieux, quoi. Bon, après, vous, ce qui est quand même relou, c'est le couvre-feu à 18 h, et surtout de rester bloqué dans des zones géographiques, quoi. C'est ça. Bah, nous en fait, moi qui habite dans le Cher, c'était un peu particulier parce qu'on a été un des premiers. Tu m'étonnes. Il est toujours Non mais bloqué. bon, oh, hein, on se calme. En fait, on était bloqué, donc on a été un des premiers départements à être en couvre-feu à 18 h avant que ce soit généralisé dans toute la France, parce que en fait on avait un taux d'incidence qui était trop élevé. Mais en fait, on a aussi ce qui a influencé, c'est qu'on a aussi un des plus gros EHPAD de France. à Bourges. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de décès dans les EHPAD. Et en fait, bah, quand tu as beaucoup d'EHPAD et beaucoup de personnes âgées, bah, forcément, il doit se passer ce qui se passe, quoi. Donc c'est vrai qu'on a eu donc cette malchance d'être un peu pris dans cette mouvance, mais bon, 2 semaines après, tout le monde était à la même enseigne, donc ça allait, tu vois. On n'était plus trop jaloux. Lourd. Enfin voilà. Mais du coup, c'est vrai qu'on en est venu à parler de du côté des côtés un peu négatifs. Du coup, je me tourne vers quelqu'un qui qui avait besoin d'évoquer la des choses négatives, Brice? Bon, je sais pas si c'est un besoin. Non, mais tu te sens pas obligé. Hein. Non, mais après, non, c'est vrai que moi, après, c'est globalement l'année qui a été vraiment galère, quoi. Mais là, ça va mieux depuis quelques semaines, même quelques mois quand même. Je pense que c'est surtout la première moitié de l'année qui a été compliquée. Genre, est-ce que je rentre dans les détails? Bah c'est comme tu veux, c'est comme tu veux. Non, il y a un de mes potes d'enfance qui est décédé, mon grand-père qui est décédé, ma copine qui a des gros problèmes de santé, galères administratives qui font perdre beaucoup d'argent, perte de mon travail. Je pense qu'on est pas mal. J'en oubliais, hein, j'en oubliais. C'est déjà pas mal. Mais je pense que c'est déjà pas mal. C'est pour ça que j'ai eu l'esprit très occupé, je pense, et que j'ai pas non plus. Peut-être moins que vous, en tout cas, développer ma créativité pour m'occuper, pour profiter de ce temps, parce qu'il y a d'autres trucs à faire, quoi. Mais non, ouais, c'était une année compliquée, mais là, ça va quand même mieux depuis peut-être 2-3 mois, je pense, malgré la perte du travail. Ça va quand même mieux, et je pense que ça va. 2021 va être stylé. Va être stylé, parce que moi aussi, j'ai envie de profiter du confinement. Oui, Johan, tu voulais dire? Je voulais demander si tu pensais que le corona avait en fait influencé un petit peu les problèmes que tu as eu cette année ou c'était quelque chose de complètement Non, parallèle? complètement parallèle. Aucune incidence, vraiment. Même le job, c'était prévu, entre guillemets, prévu. Enfin, j'étais le dernier au courant, mais c'était prévu D'accord. que je le perde. Après, les décès, c'était avant le corona. Les problèmes financiers, c'était avant le corona. Non, franchement, c'était non. C'était le problème de santé de ma copine aussi. Enfin, c'était pendant le corona, mais c'était pas forcément lié à ça. Non. Bah, quelque part, on peut dire que le coronavirus c'était un peu la cerise sur le gâteau de merde que tu as eu, C'était la comorbidité, on peut dire. quoi. Ouais. Non, ouais, c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais au final, moi je l'ai pas eu. Enfin, ma copine l'a eu, mais moi je l'ai pas eu. Mais ça nous a pas touché tant que ça. On n'a pas vraiment de proches qu'on en souffert. Enfin, on a des proches qui l'ont eu, comme je pense que tout le monde connaît quelqu'un qui l'a eu, mais il n'y a pas eu d'hospitalisation. Enfin, si, j'ai une cousine éloignée qui a été un peu hospitalisée, mais c'est tout, quoi. Ça a pas été trop trop grave, le corona, franchement. Moi, ça n'a pas trop changé ma vie, étant donné qu'à Paris, à part le premier confinement, comme j'ai dit tout à l'heure, à part le premier confinement où là c'était vraiment restrictif, le reste du temps, bah, ça fait juste chier le couvre-feu à 18 h, mais c'est tout, quoi. De toute façon, ça fait des années que je sors plus, alors. Yes. Non, après, c'est ce qui est plutôt, enfin, ce qui est intéressant aussi, c'est pour citer Fanny qui était la dernière fois, du coup. C'est vrai que là, on a beaucoup parlé des côtés positifs, la créativité et tout, mais faut pas non plus qu'il y ait une injonction à avoir, comme elle a dit elle-même, une injonction à la positivité, enfin, voir que forcément tout doit bien se passer, etc. C'est sûr que pas beaucoup de gens ont morflé par le corona ou pas par le corona, ça. Mais voilà. Mais après. C'était juste intéressant de relever qu'il y a quand même pas mal de gens, et je pense que bon, toi, tu as eu des circonstances atténuantes, mais tu as quand même pu découvrir de nouvelles œuvres et tout. Et je pense que le confinement, comme tu dis là, ça va te permettre de, pourquoi pas, de tenter de nouveaux trucs aussi, tu vois, dans d'autres circonstances, mais. Bah, je trouve que l'avantage du premier confinement, c'était que tout était vraiment arrêté. Et du coup, tu pouvais te reposer à mort sur la culture. Parce que la culture, elle existe dans le temps. Enfin, t'en as tout le temps, il y en aura toujours, elle est accessible et tout. Et entre guillemets, c'est pas que tu pouvais faire que ça, mais c'est soit tu créais toi-même, soit tu consommais. Mais ça devait tourner autour de la culture. Et c'est pour ça qu'on a vu à quel point c'était hyper important. Donc, ouais, c'était. Tu pouvais aussi juste te laisser porter, découvrir des nouvelles choses et voilà, t'avais le temps, quoi. Et faire des gâteaux aussi. C'est vrai qu'on en avait parlé au tout premier. Moi, je m'étais mis à la cuisine aussi. Ouais, Je bah n'ai pas moi aussi. continué, mais pendant le premier confinement, je me faisais des gros gros repas cuisiner pendant des heures. Bon, ça n'a pas duré très longtemps parce qu'après, c'est long. En plus, bon, moi, je suis tout seul chez moi, donc cuisiner quand t'es seul, c'est pas ouf. Mais sur le coup, c'est vrai que tu tentes plein de trucs, quoi. C'était plutôt sympa. Et Brice? Victor aussi, je crois que tu t'es mis à la cuisine, toi. Brice, alors qu'est-ce que tu nous Est-ce as que tu pourras mettre les photos dans la description, Victor, de tes plats? Brice, Vous l'aviez évoqué dans l'incendie chez toi. non, on a pas raconté cette. Si, on avait parlé de l'incendie. Je Il sais me plus si semble j'en. que vaguement, ouais. Il me semble qu'on en a déjà parlé quand j'étais Oh, là. faudra. Parce que pour remettre dans le contexte, Brice et Johan sont des amis que j'ai rencontrés à Metz. Pendant mes périodes de fac, où on s'est confinés ensemble pendant presque un an, où on ne sortait pas à part pour aller chez les uns chez les autres, et juste glander quoi, glander, écouter de la musique, regarder des Par films, choix. de quoi? Par choix, Oui, par pardon. choix, c'était volontaire. Et c'est vrai que j'avais eu une histoire d'incendie chez moi. Et du coup, c'était très rigolo parce que je venais de rentrer à 10 h du matin pour aller dormir, évidemment, en toute logique, hein. Je rentrais de chez Brice et puis en fait, ouais, il y avait eu un incendie dans l'appartement en dessous de chez moi, sauf que les pompiers avaient tapé à ma porte et moi j'étais un peu en mode genre, hey, bon frère, il est 13 h, laisse-moi dormir, quoi. Bref, et du coup en fait, je me suis réveillé avec un peu, comme on peut dire vulgairement, la tête dans le cul. Et il y avait pas mal de fumée dans mon appart. Et puis en fait, en allant dans mes toilettes juste pour aller pisser, il y avait du vent chaud qui soufflait par la VMC qui est censée aspirer de l'air. Et du coup, je fais, il y a peut-être un souci. Et en fait, il y avait en effet un incendie dans mon immeuble avec les pompiers qui avaient les bouteilles à oxygène, tout ça. Et voilà. Et du coup, je suis retourné chez Brice et j'ai réveillé Brice en plein milieu de sa nuit pour squatter chez lui parce que mon appart était en Calciné. train de possiblement brûler quoi. Voilà. C'était la petite histoire. Mais tout ça pour revenir à la cuisine. Brice, toi, t'as tenté quoi, par exemple? Bah, moi, je m'étais mis à la cuisine un peu avant. Ouais. Enfin, en fait, bon, ma copine cuisine très bien et adore ça. Elle aime vraiment cuisiner. Elle le fait quasiment tous les soirs. C'est vrai. De temps en temps, je prends le relais. Je maîtrisais pas mal les gros plats de grand-mère, genre en mode gros trucs en sauce et tout. Mais là, pendant le confinement, je me suis mis au dessert, au gâteau. J'ai essayé d'en faire un petit peu. Et honnêtement, je suis assez surpris de ma maîtrise du carrot cake, Putain, en plus qui n'est c'est pas grave très bon. compliqué à faire. Et ben, quand tu viendras ramener ton derche à Paris, je t'en ferai, si tu veux venir un jour. Yes. Sujet tabou, sujet tabou. Mais non, mais là c'est pas l'année là. C'est pas la décennie là. Mais ouais, non, je me suis mis un peu au gâteau, c'était cool. Et voilà. Si on fait nos propres pizzas, notre propre avec notre pâte, fait maison et tout. Lourd. Des trucs assez simples, mais on t'a appris d'ailleurs, Victor, Ouais. Et puis, pas plus à faire tard ta qu'il y a deux pizza. jours, j'ai refait une pizza comme vous m'aviez appris à en faire. Bravo. Elle était bien bonne. T'as une photo, Victor? Non. Ah ouais, Non, ça reste seul. Personne ne ma peut prouver confiance. ce que j'avance. Pas de besoin de reconnaissance. Non, mais ouais, c'est intéressant. Toi, Johan, la cuisine? Moi, je me suis aussi pas mal mis, mais ça fait longtemps, ça fait 2-3 ans que je me suis mis à la cuisine. Mais en fait, c'est pas vraiment pour cuisiner. C'est parce que j'avais commencé à essayer de réduire tous mes déchets. En fait, il y a plein de trucs qui sont liés à ça. Donc, en grande partie, acheter des trucs frais, sans emballage, etc. Et du coup, j'étais obligé de cuisiner, en fait. Et c'est un peu pour ça que je suis devenu assez bon en fait pour avec plein d'ingrédients que je trouve, etc. À faire des plats, ça fait un moment que je m'y suis mis. Après, donner une liste de plats comme ça que je maîtrise Oui, parfaitement, c'est etc. pas forcément le but. Mais Non. de souvenir, c'était toi qui étais le plus doué. Ah Bah, je sais pas, en tout cas, c'était toi qui. En tout cas, le souvenir que j'en ai, c'est que, bon? en général, avec Brice, nous, on prenait des trucs à emporter et toi, t'avais déjà mangé. Ça veut dire que tu te préparais des trucs. Ah oui, parce que C'est souvent moi des pâtes, hein. le souvenir que j'ai de mes années de fac au niveau culinaire, c'était les allers-retours au Aldi qui étaient à 30 minutes de bus. On y allait souvent à pied, hein. Elle est surgelée. 45 minutes de bus Qui quand il y a décongelait dans le Victor qui frigo. est malade. Les surgelés qui décongelaient dans le frigo parce que j'avais pas de congélateur. Ouais. La chaîne du froid, toujours. Ouais. La fameuse. Non, mais. Non, j'ai jamais détesté cuisiner, en fait, je pense. Parce que j'ai toujours apprécié ça. Parce que. Toute mon enfance, en fait, ma grand-mère, elle cultivait des légumes, elle cuisinait, elle massacrait des lapins et des poules pour les manger aussi. Donc, il y a toujours un peu un aspect, bon, pour cette génération, c'était pas du tout le cas, c'était plus par nécessité qu'elle le faisait. Il y a toujours un aspect un peu débrouille et circuit court, comme on dit aujourd'hui. Et ouais, ça fait quelques années que je retourne un peu là-dedans, en fait. Ok. Et du coup, tout ce qui est circuit court, réduire les déchets, tout ça, c'est facile dans les grandes villes du style Berlin? À Berlin, je pense que c'est facile, ouais. Parce que même généralement en Allemagne, il y a un mouvement, disons, écolo qui est beaucoup plus répandu qu'en France. Même les biomarchés, généralement les supermarchés sont moins chers. Du coup, tu peux te permettre de faire tes courses que dans un truc bio, qui n'est pas forcément meilleur pour l'environnement d'ailleurs. Mais c'est beaucoup plus facile ici, en fait. Il y a beaucoup plus d'organisation au sein des gens. Il y a beaucoup de marchés uniquement locaux, par exemple. Parce qu'en France, si tu vas sur les marchés, tu vois aussi des maraîchers qui importent leurs fruits et légumes de partout. Mais en Allemagne, ouais, clairement, à Berlin, c'est beaucoup plus répandu, même parmi les gens, etc. Et après, réduire les déchets, je pense que c'est lié à plein d'habitudes, en fait, qu'on a, et c'est pour ça c'est un bon point de départ, en fait, si on veut un peu changer ses habitudes, parce que c'est vraiment central, les déchets, en fait, qu'on jette par rapport à ce qu'on consomme et aux habitudes qu'on a, en fait. Et j'avais une question aussi par rapport à ça. Est-ce qu'à Berlin, il n'y a pas justement aussi pas mal d'espaces qui sont dédiés à la cultivation, enfin des espaces potagers par exemple, des potagers associatifs Si, il y en a beaucoup, mais disons que maintenant, en fait, si tu veux un jardin à Berlin, il faut attendre 7 ans ou avoir beaucoup d'argent parce que c'est devenu tellement à la mode. Et surtout encore plus accentué maintenant avec le coronavirus, etc. Ouais. Il y a beaucoup de gens, même maintenant des familles assez bobos, etc., qui cherchent à avoir des parcelles pour avoir leurs légumes, etc. OK. Mais les espaces, disons, un peu commerciaux, où vraiment il y a une entreprise qui s'est créée pour louer des parcelles, et du coup ils préparent la terre, ils plantent, tout a juste un peu à arroser Ouais. et accueillir, en fait. Il y avait un gros boom à ce niveau-là. Les listes d'attente sont pleines. Tu as une autre structure d'organisation, enfin type d'organisation, c'est les Kleingarten, en fait, c'est les petits jardins, en fait, tu as toujours une petite maison dessus, et ça, c'est des associations où il y a plein de trucs. Et ça, généralement, c'était que des vieux, etc. Et puis ça aussi, ça a été inondé. Et tous les trucs un peu, disons, anard ou les trucs un peu plus hippie, en fait, un peu plus. Ça a tendance à disparaître, en fait. Parce que c'est des terrains qui sont prêtés par la ville. Et ils ont tendance à les revendre pour construire, parce qu'il y a aussi une grosse crise immobilière à Berlin. Il n'y a pas assez d'appartements, pas assez de logements. Il y a beaucoup de gens qui arrivent. Et donc ce type-là, ils ont tendance à disparaître, en fait. Ok. Et c'est. Parce que Ouais. c'est vrai que bon, il y a Berlin, c'est une capitale qui quand même qui respire. Enfin, il y a pas mal d'espaces, de grands espaces ouverts, des choses comme ça, par rapport à Paris où vraiment t'es enfermé. Enfin, après c'est mon avis, Ouais. je trouve que c'est un peu enfermant. Ouais. Après, c'est peut-être dû à un plan d'urbanisme des années 40, je sais plus, un truc comme ça là à Berlin. Bah, Berlin, il a fallu tout reconstruire de toute façon. Hein. Ouais, bah, c'est un plan d'urbanisme. Ouais, voilà. Bah, clairement, ça a été reconstruit n'importe comment. Il y a pas de. Au niveau esthétique, c'était pas du tout là. Enfin, disons que c'était pas du tout la priorité à l'époque, quoi. Si on Oui. regarde des vieilles images de Berlin, c'était aussi beau que Paris, moi je dirais, avec des vieilles bâtisses partout, etc. Enfin, quand on voit encore quelques-unes qui ont survécu à la guerre, ça n'a rien à envier à Paris, je trouve. Mais la façon dont ça a été reconstruit, c'était simplement pas cher et vite, quoi. Hein. Pas cher et vite. Du coup, c'est vrai que l'été, il fait extrêmement chaud dans la ville. Ça a été extrêmement mal fait au niveau de la circulation de l'air, etc. Et c'est pour ça, en fait, y a pas mal de problèmes au niveau de la circulation de l'air, de la chaleur, de la qualité de l'air, etc. Même si c'est pas pareil que Paris, au niveau de la pollution. Mais les trottoirs sont plus larges, etc. Du coup, on respire quand même mieux. Il y a beaucoup de parcs. Mais il y a quand même Faudrait des problèmes. re-raser Ouais. Après, il y a d'autres problèmes. Par exemple, les égouts sont totalement pourraves et ils se bougent dès qu'il y a des grosses pluies. Et c'est pour ça qu'il y a une volonté politique, en fait, depuis 1 ou 2 ans, je pense, à faire des jardins sur les toits. Et ils sont subventionnés à fond ici, en fait. Mais. Non, c'est vrai qu'il y a quand même ici même une volonté politique à améliorer la question du climat et toutes ces choses en fait. Plus qu'en France où c'est toujours un peu. Enfin, on a l'impression quand il y a des mesures ou quelque chose qui s'améliore, c'est toujours un peu un lâcher de la part des autorités, genre, ok, ils cèdent, plutôt qu'une volonté, tu vois. Ici, j'ai plus l'impression que c'est le contraire. Mais par exemple, ils ont officiellement annoncé l'état d'urgence climatique, entre guillemets. Ok. Ça veut dire que Berlin, d'ici 2030, il y aura plus de voitures non électriques, de véhicules non électriques à l'intérieur du périphérique, en fait. Ok. Ah ouais. Donc il y a quand même pas mal qui a changé ici. Mais ouais, ça doit être super intéressant parce que, ouais, je sais pas, Jonathan, toi peut-être. Qui aura une vision un peu plus précise là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire dans une capitale? Alors bon, capitale qui respire un petit peu, d'un point de vue biodiversité, pour améliorer. Parce que bon, je sais pas si Johan, je t'avais expliqué, mais du coup, bah, Jonathan travaille dans la biologie. Alors bon, la biologie plutôt marine, mais. Ouais, je suis pas sûr d'être mieux placé pour. Honnêtement, c'est des questions qui sont vachement compliquées. Ouais. Après, c'est sûr que quand tu vois Paris, que tu compares avec d'autres villes en Europe, déjà le manque d'espace vert, enfin, y a quand même beaucoup de fausses mesures aussi qui sont prises. On va dire plus en mode greenwashing qu'autre chose, mais bon, ça après, j'imagine que c'est un peu le quota de toutes les grandes villes. Mais après, c'est sûr quand tu compares avec Berlin. Il y a peut-être des mesures beaucoup plus concrètes qui sont prises. Après, je vais pas me perdre à mettre des hypothèses sur comment améliorer tout, parce que je pense qu'il y a des gens beaucoup plus qualifiés qui le font. Oui. Ce qui est sûr, après, c'est que là où je rejoins Joanne, c'est qu'en France, à chaque fois qu'il y a des mesures qui sont pour l'environnement, c'est vraiment parce qu'on a forcé, forcé jusqu'au bout, et c'est lâcher une grappe. Finalement, c'est plus de la com qu'autre chose. Et c'est surtout plus des mesures restrictives pour les gens que des Ah oui, mesures pour faire avancer le problème. complètement, oui. C'est-à-dire que le même truc où Johan vient de dire 2030, plus de voitures, enfin que des voitures électriques à Berlin, en France, c'est 2030, que des amendes pour les gros véhicules, quoi. C'est pas poussé vers autre chose, c'est juste taxé. Ouais, disons que le problème, c'est le manque d'alternatives en fait proposées à une interdiction en fait. Je pense que c'est central, tu vois. Si tu veux, ça sert à rien d'interdire quelque chose parce que à la fin tu perds juste le contrôle dessus. Ce qui est important, c'est de donner en fait une alternative aussi en même temps. Et en France, comme tu dis Brice, c'est pas du tout le cas en fait. Ça, on interdit un peu aux gens et puis démerdez-vous par derrière parce que. Et t'as un peu l'impression que tout le temps le gouvernement français chaque fois qu'il veut entre guillemets tenter un truc pour l'environnement tout ça il y a la pression d'une entreprise qui va faire ah bah ouais mais nous on va licencier en fait Ah bah, tu sais, genre Carrefour qui est en difficulté, vraiment, en grave difficulté, hein, Carrefour, qui va dire, ah bah, on va fermer des magasins, on va détruire des emplois. Et t'as un espèce permanent, un espèce, enfin, tu vois, genre, un moment, je pense que dans l'histoire économique française, j'en sais rien, peut-être que Adam pourra, il écoutera et puis il s'arrachera les cheveux quand je vais dire ça, mais il y a un moment où les entreprises, elles ont pris la conf un moment et puis elles ont remarqué qu'elles ont un levier qui marche à tous les coups. C'est un mode à chaque fois qu'il y a un truc qui te plaît pas, ah ben on va licencier. Et puis l'État il est là genre ouais bon ben on va revenir sur nos décisions. Enfin bref là on part du... Enfin je pars, c'est moi, c'est moi. Calme-toi, calme-toi, Victor. Bah voilà. Enfin bref. Bon. Est-ce qu'on passerait pas à une partie un petit peu plus non, peut-être que. Est-ce que vous avez découvert des choses cette année qui vous ont donné envie de partager, enfin, d'être partagé, par exemple, je sais pas, Brice, toi qui a vu des films ou des séries, est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont inspiré au point de vouloir les recommander? Est-ce qu'il y a des trucs qui m'ont inspiré? Attends, j'avais pris des petites notes. Je m'étais mis des petites notes en plus. Ouais, je me suis remis à fond. Déjà, alors, est-ce qu'on parle des sorties 2020 ou est-ce qu'on parle des trucs qu'on a découverts en 2020 mais Pas qui beaucoup existaient sorti en déjà 2020. avant? Alors, Ouais, c'est ça. C'est ça. comme tu veux, on a fait les deux. On a fait les deux parce que c'est vrai que des fois, se limiter à 2020, c'est peut-être un peu restrictif. Bah oui, surtout dans le cinéma et les séries, ouais, c'est un peu compliqué. Mais j'avoue que moi, premier point, je me suis remis à Twin Peaks. Maintenant, dès que je vais faire une émission, je vais parler de Twin Peaks. Allez-y, quoi. Je sais pas si vous avez déjà vu. Malheureusement, non. Allez-y. C'est un monde à part et je l'ai déjà vu. Là, on a bientôt fini la dernière saison qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc déjà, ouais, premier, voilà, commençons par ça. Après, est-ce que j'ai vu d'autres films? Ouais, je suis quand même allé un peu au ciné. Je suis quand même allé un peu au ciné en 2020. Entre les gouttes, on va dire. Entre les postillons. C'est ça, j'avais noté un petit peu quelques films sympas. J'avais vu un docu, pour rester dans la thématique précédente, qui s'appelle Epicentro. D'ailleurs, Johan, je te l'avais conseillé, je ne sais pas si tu l'as vu. Non, j'ai toujours pas pu le voir d'ailleurs. J'ai toujours pas vu. T'avais oublié, Non, j'avais vraiment pas oublié hein, hein. parce que j'en ai même parlé à ma copine et on voulait absolument le voir, mais c'était impossible de le trouver ici en fait. D'ailleurs, si t'as une piste, je suis preneur. Bah, je vais le voir au ciné, donc tu te démerdes. Ouais, Du coup, ouais, c'était un docu vachement intéressant. J'y suis allé, c'était, il me semble, juste avant la fermeture des ciné, peut-être septembre-octobre. Et je m'étais dit, allez hop, je vais faire cramer la carte UGC parce que je pourrais pas y aller pendant un certain temps. Je vais voir ça un peu au hasard. Et en fait, ça se trouve, c'était un docu sur Cuba. Enfin, comment ça s'est passé, comment ça se passe dans peut-être l'un des derniers vrais pays communistes du monde. Et en fait, ça donnait une perspective. Déjà, ça donnait plus envie de voyager parce que ça te faisait culpabiliser à mort de voyager. Et je trouvais ça hyper intéressant de voir comment est-ce que bah, des locaux prennent un peu le changement du monde et voient l'arrivée du tourisme, notamment, ça parle beaucoup du tourisme et des gens qui viennent et qu'en fait ces gens viennent à Cuba en se disant ouais, cool, on va voir un des derniers pays communistes, mais au final ils participent en venant à ce tourisme de masse qui fait presque devenir un pays qui dépend aussi totalement du tourisme et qui se transforme petit à petit. Et en fait, ouais, c'était assez intéressant de voir ça, c'était plutôt bien foutu. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus hein, parce que vous allez voir. Bah quand on J'ai saura vu où le trouver. ouais, bah écoute, l'ère d'Internet, hein, on peut te trouver normalement. J'ai vu quoi d'autre? J'ai vu Adieu les cons était cool, le film de Dupontel. Comme à peu près tous les films de Dupontel, de façon globalement. J'ai vu Tout simplement Noir, qui était aussi très cool. C'est une espèce de comédie, pareil, j'en attendais rien du tout. Alors j'ai l'impression que c'est un truc très parisien, Genre, c'est de l'humour très parisien. Mais c'était drôle, c'était très drôle sur un mec qui voulait défendre un peu la cause des Noirs en France. Donc, c'est sorti juste en, juste avant l'affaire George Floyd, il me semble. Donc, vraiment, genre, timing parfait. Non, mais du coup, c'est un mec qui voulait défendre la cause noire et en fait, il se rendait compte en même temps que sa cause est juste, mais que dans ses arguments, il y avait aussi des trucs aberrants qu'il disait et en fait, ça remettait un peu tout en perspective sous une grosse couche d'humour, mais c'était à la fois drôle et pertinent, donc bah, je conseille. Okay. Je conseille. Après, pour le reste de ce que j'ai vu en 2020, non, après, sinon, j'ai vu essentiellement des vieux films. Hein. Après, est-ce qu'on parle du spectacle de Norman? J'ai pas du tout suivi ça. Qui a fait un... Ouais, du génie encore une fois, mais... Tu l'as vu? Non, j'ai vu un live tweet d'une meuf qui l'a regardé pour tout le monde et qui a fait un récap des blagues présentes dans ce... dans ce spectacle qui a l'air... À côté, Kev Adams, c'est des proches, quoi. Yes. Ça me donne bien envie de le voir en tout cas. C'est clair. Et du coup, malgré tout, est-ce que vraiment, dans les vieux films que tu as regardés, s'il devait y en avoir qu'un que tu retiendrais? Alors, je retourne dans mes notes. Dans les vieux films que j'ai regardés... Alors, il y a un film... Ouais, j'en parlais de plusieurs. Il y a un film qui est sorti il n'y a pas si longtemps, un autre docu tourné en Belgique, qui s'appelle Ni juge ni soumise, je sais pas si ça parle à quelqu'un, Oui. qui est fait par les mecs de Striptease, Oui. par les créateurs de Striptease, qui est assez drôle, avec un personnage assez folklorique, une juge d'instruction belge, qui a autant de punchlines que n'importe quel rappeur. Et sinon, en termes de fiction, j'avoue que j'ai maté Millennium Mambo, un film, je crois que c'est chinois ou taïwanais ou un truc comme ça, qui est assez beau, assez, ça se passe dans la nuit chinoise, taïwanaise, hongkongaise, j'en sais rien. Enfin bref, vous imaginez le décor. Et c'est assez beau sur un couple. Enfin, notamment une fille qui sont un peu perdues. Lui est complètement au chômage et drogué. Elle est en soirée, mais elle, tout le temps en soirée, mais elle veut s'en sortir et tout. Et c'est assez beau et bien foutu. Et sinon, j'ai vu pas mal de vieux films style Giallo, enfin des Dario Argento, des trucs comme ça. Est-ce que tu as enfin regardé le film qui t'avait été filé par le Non. vendeur de DVD? Parce que quand Brice était venu à La Non. Rochelle, on était allé dans un magasin de DVD et en fait, apparemment, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a reparlé de ce mec, et apparemment, le mec est hyper calé en film bis, enfin en cinéma, Ouais, tu m'avais dit, ouais. cinéma de genre, et en fait, quand je me souviens, t'avais commencé à discuter avec ce mec, et puis au final, je sais plus. Ce qui s'était passé, mais le type t'avait donné un CD genre qu'il avait enregistré lui-même en mode ce film tu le trouveras jamais nulle part, tiens, vas-y. Ben, j'ai dû créer sa fiche Sens Critique à ce film, d'ailleurs, il me semble. Ah ouais? Mais en fait, alors je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Enfin, je le vois, d'ailleurs, il est quelque part. C'est un, je l'avais dit, je kiffais les giallos, les films un peu comme ça, l'ambiance où un peu de film d'horreur, mais où tout passe par l'image et enfin la couleur et la musique, des trucs assez typiques des années 70, quoi. Et en fait, il m'avait donné ce film-là, je crois que c'est un film tchèque ou russe ou enfin d'Europe de l'Est, des années 50, je crois, 50-60. Et qui seraient les prémices d'un peu tout ça. Et du coup, j'ai pas encore eu la déter de le mater. Trop bien. Et en fait, j'avais rencontré quelqu'un qui était allé. En fait, ils avaient parlé nanar avec le mec, le mec de la boutique, donc le gérant de la boutique. Alors la boutique, je crois, ça s'appelle Cinéma Tout Vu à La Rochelle. Si vous passez, la boutique est vraiment très chouette. Il y a plein de vieilles affiches, il y a plein de DVD. Et en fait, le mec avait leur avait recommandé et filé La Revanche de Samson, qui est un nanar ultime, un peu péplum, mais qui a été tourné en Thaïlande, avec un acteur qui... Enfin, quand tu regardes les photos, t'as vraiment l'impression qu'il se passe rien derrière les yeux, quoi. Il est toujours là avec un sourire. Il ressemble un peu au prince de Lu, mais avec les yeux dans le vague. C'est odieux. Très musclé, avec des séquences apparemment mémorables. Mais bon, je vous laisserai regarder les images. La revanche de Samson. Mais apparemment, ouais, le mec est hyper calé sur tout ce qui est cinéma alternatif, quoi. Et c'est super cool. Voilà. Si un Très jour bien. j'ai l'occasion d'y aller. Bon, on va pas souvent à La Rochelle sans raison. Non. C'est vrai. À part pour aller au Futuroscope. C'est à Poitiers. C'est pas loin. C'est sur le chemin, c'est vrai. C'est son chemin. Et Futuroscope, hein, mine de rien, il existe encore. Et ça, c'est une prouesse. J'ai retrouvé une cassette sur le Futuroscope en 1993 au travail. Wow. Je l'ai toujours d'ailleurs, il faut que je la regarde. Parce que toi aussi, tu retrouves des archives un peu pétées là où. Ouais. Je pense que quand je suis arrivé au. En fait, je travaille en technicien à l'Institut français à Berlin. Et quand j'ai pris le poste, le technicien d'avant, qui était là depuis, je crois, 35 ans, il n'était pas très rangement, etc. Du coup, il avait l'impression de débarquer dans une maison qui n'avait pas bougé depuis 96, quoi. Et donc, tu retrouves des pièces historiques, mais constamment, en fait. C'est super intéressant. Et c'est quoi en fait l'Institut français? En fait, c'est un centre culturel, Ouais. mais c'est le centre culturel officiel de l'État français, en fait. D'accord. Mais principalement, c'est une école de langue, et après, ça dépend, en fait, de chaque antenne, en fait, de chaque centre culturel. Mais nous, D'accord. on a une bibliothèque, en général, il y a partout une bibliothèque avec tout en langue française, en fait. Les cours de langue, nous, on fait aussi des événements. Musique, enfin des concerts, des débats, plein de choses comme ça. Et en fait, c'est présent dans plein de villes à l'étranger, en fait. Il y en a à Lisbonne, à Madrid, à Tokyo, un peu partout dans le monde. Et c'est un peu la représentation culturelle de la France à l'étranger, si tu veux. L'ambassade, elle est plus là pour le diplomatique. Ok. Et les instituts français, en fait, c'est là Pour le culturel. pour le culturel, ouais. Parce que en France, comme on le sait tous, il y a l'exception culturelle française et la culture, en fait, est plus ou moins contrôlée par l'État. Et ça, c'est aussi un contraste un peu avec l'Allemagne, parce qu'en Allemagne, il faut absolument que ce soit séparé. C'est un paradigme totalement différent. Mais voilà, c'est la représentation culturelle française. Ok. Moi, c'est rigolo parce que là, pendant cette année, en fait, je rejoins sur le côté archive. J'ai rangé toutes les collections qui étaient en magasin de vieux CD-ROM éducatifs et tout, qu'on a à la médiathèque. Et je suis tombé sur des perles, quoi. Genre des trucs, genre regarder, découvrir les plus beaux sites. Alors attends, je l'ai là. Les plus beaux sites internet des services publics de 1999. Je t'enverrai les photos. Et aussi, j'ai trouvé une série de trois CD éducatifs. Alors, il y en a un, c'est sur Netscape, genre avant qu'il y ait Google et tout, avant qu'il y ait Internet Explorer. Un sur Windows 98 et un sur Windows 95. Et je vous enverrai les images. C'est Windows 95 présenté par Thierry Lhermitte. Avec une photo, avec Thierry Lhermitte posé comme ça, tu sais, avec le menton dans la main, avec une chemise marron foncée, voilà, années 90, sur un fond noir avec un quadrillage multicolore. Et c'est gold. Et il y a la même avec Yvan Le Bolloc, avec le mulet. Époque Mulet et une avec Julien Courbet. C'est vraiment une époque géniale. Julien Courbet, c'est en position Début de comme ça, c'est l'internet. avec le doigt comme ça, un petit peu en mode James Bond. Voilà. Je vous enverrai les photos, c'était très très drôle. Et en parlant de photos que tu nous as envoyées, je pense que tu peux aussi, Victor, parler de ta nouvelle passion de 2020, la taxidermie. Oui, je peux vous en parler. C'est vrai. Mais Qui. c'est pas de 2020, là. Ça date de la dernière fois qu'on s'est vu avec Johan, où on a visité le fabuleux Muséum de Colmar. Musée d'histoire naturelle de Colmar. Voilà, musée d'histoire naturelle de Colmar. C'était incroyable, où en fait c'est un vieux musée, un peu vieillissant. Et en fait, on est allé dans la première salle des taxidermies, et là, c'était le festival, quoi. C'est la moitié du musée d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et on découvre des choses qu'on ne sait même pas quelle était la bête à l'origine, quoi. Et du coup, on a eu un fou rire, et la dame de l'accueil est venue nous voir, on pensait qu'elle allait nous engueuler. Et en fait, elle vient nous voir, et toute fière, elle nous dit « Oui, c'est des bénévoles qui ont fait les taxidermies. » Ce qui nous a conforté dans notre fou rire. Et c'était odieux, odieux. Enfin, c'était à la fois du génie et à la fois quelque chose. Enfin, c'était incompréhensible, quoi. Tu te dis, mais ce mec-là, il a jamais vu une antilope, quoi. Voilà, je vous conseille vraiment de visiter le muséum de Colmar. Vraiment, hein. Si vous avez enfin, le musée d'histoire naturelle de Colmar. Et du coup, j'ai perpétué un petit peu ça. Et en fait, à chaque fois que je vais dans un musée d'histoire naturelle, j'essaie de trouver les belles taxidermies les plus, on va dire, les Réaliste. plus chamarrées. Voilà. Et j'ai fait du coup à La Rochelle. Mais La Rochelle, en fait, ils ont une énorme collection de taxidermies. Une énorme collection d'animaux. Je sais pas, tu y étais allé, toi, Jonathan? Ouais, c'était pas mal en Ouais. effet. C'est une grosse collection. Ils ont beaucoup de trucs dans du formol aussi. En fait, sur le tas, en fait, je veux dire, 95% de leurs animaux sont ultra convaincants. Genre, il n'y a pas de souci. Mais il y a 5% dans la masse qui valent le détour. Et il y en a un, c'est un singe, je crois, c'est un nasique. Non, c'est Un nazi? un nasique. Tu sais, les singes avec l'espèce de gros nez, là, il me semble que c'est ça. Voilà, et en fait, il ressemble à Jean-François Derec. Mais vraiment. Un mélange entre Jean-François Derec et la marionnette de Chirac au guignol. C'est incroyable. Incroyable. Voilà, Il y a le c'était. muséum de Bourges aussi. Le muséum C'est de ça. Bourges, il était moins. Enfin, les taxidermies, elles sont plutôt correctes, hein. On n'a pas eu Ouais, trop. ça va, ça va. On a rigolé quand même. Oui, mais. C'était plus par rapport aux champignons. C'est vrai. Des représentations de champignons, il y a notamment le satyre puant. Je vous invite à regarder à quoi ça ressemble. Spoiler, ça ressemble à un pénis. Et du coup, ils ont fait une petite maquette. Et donc, vraiment, ils l'ont bien fait avec deux petits en bas, tu vois, genre deux petites boules en bas de la longue tige avec son chapeau. Donc, je vous laisse visualiser. Mais. Bref. Je pense que c'est clair. Voilà. Ok, bah c'était l'instant taxidermie. Je sais pas, du coup, on était aux présentations des œuvres. Oui, Je sais pas c'est ça. si, Joanne, t'avais eu des films ou des œuvres, de manière générale, qui t'avaient marqué, toi, dans l'année? C'est vrai que culturellement, cette année, j'ai pas été très actif au niveau du suivi des nouveautés, en fait. J'ai pas. Ça n'a jamais été. Bon, pour Brice et Victor qui me connaissent, ça n'a jamais été vraiment mon truc de suivre vraiment les activités, Les actualités, ouais. les actualités, etc. Mais malgré tout, Mais. t'as toujours eu une curiosité en mode genre on va te parler d'un film hongrois expérimental, vas-y go, 2 jours après t'es là, je vais me le mater quoi. Ouais, c'est ça. Mais je crois d'ailleurs que c'était Brice qui m'avait conseillé ça, mais le cinéma taïwanais, en fait, c'est merveilleux, en fait. Ça, je pense que ça date, je sais pas si ça date de 2021, je pense que c'était avant, mais ça a été, je pense, la dernière découverte vraiment flashante que j'ai eue niveau cinéma. Mais c'est vrai que 2020, ça n'a pas du tout été une année très, très riche en découvertes culturelles. Ok. C'est plutôt des vieux genres que j'ai redécouverts, donc, je sais pas. Et du coup, tu aurais un ou deux noms de films taïwanais à nous conseiller? Je laisserai Brice peut-être répondre Non, non. là-dessus. Non. Vas-y, balance-les et en VO, s'il te plaît. Il y avait un truc avec Love Yama, non? Non, je ne me D'accord. souviens plus des titres. Ok, bah C'était pas en 2020. on les retrouvera. Et niveau musique, parce que bon, quand même, tu fais de la musique aussi. Alors, je sais pas si t'en fais autant que quand on. Peut-être que t'as moins le temps d'en faire aussi, mais. Quand tu étais à Metz. J'en fais sûrement moins, je pense que j'en fais beaucoup moins même, Ouais. mais ouais, j'en fais toujours. Mais après, bah, je suis toujours dans City pop japonaise. Ouais. Je sais pas si vous connaissez ce genre, mais en fait, c'est tout un mouvement qu'il y a eu. C'était vraiment pas beaucoup de musiciens, de producteurs qui étaient dans ce genre-là. Et c'est un peu un mélange entre jazz, funk et pop, en fait. Qui est apparu, enfin qui s'est découlé dans les années 80. Genre Plastic Love, ça rentre là-dedans ou... Plastic Love, ça rentre complètement Ok. là-dedans, ouais. Et en fait, c'est un genre super large. J'ai l'impression qu'on n'en finit jamais de découvrir des nouveaux trucs. Et ouais, ça, je pense que c'est quelque chose qui occupe pas mal mon temps avec ça, enfin, quand j'écoute de la musique. Ok. Mais ouais. Actuellement, Jonathan, il est en plein dans sa phase aussi funk japonais, et du coup, là, il faut que vous partagiez Ouais, je pense, ouais. Après, là, je suis surtout dans les trucs très connus du style Henry. Attends, comment elle s'appelle l'autre? Bon, ça, je sais pas le dire, c'est du japonais. Tomoko Aran, enfin, des trucs un peu. Enfin, c'est les Ok. gros noms, entre guillemets. Mais c'est vrai que plus je plonge dedans, plus je trouve ça génial, quoi. Tu tombes sur des pépites, des petits morceaux. Mais de manière générale, même la funk, bon, enfin, pas que du coup, la période japonaise, mais la funk, il y a tellement de pépites, tellement de morceaux où il y a 300 vues dessus, et ça envoie du lourd. Et il y a un petit côté plaisant de trouver des morceaux comme ça qui sont encore un peu méconnus du grand public, on va dire. Surtout qu'il y a tellement qui a été fait, j'ai l'impression. Ah ouais, c'est dingue. Ouais, et puis des trucs qui ont été faits à peu d'exemplaires parce que c'était limite des trucs produits pour le cercle familial amical et c'est tout quoi mais trop bien quoi. Après, niveau œuvre, quand même, nous on n'a pas trop parlé, Victor, mais il y a quand même une œuvre que je voulais relever, qu'on a vue ensemble. Tu vas donner le titre parce que je m'en souviens plus exactement. Mais c'était un sacré nanar, c'était la version Star Wars, tu sais, complètement low cost, la Wish, Ah oui, oui, qu'on a oui, oui, vue. oui, oui, oui. C'était. Oui, on s'était fait pour le Et coup. celui-là, il vaut le coup quand même. Ouais. Et c'était pour le nouvel an. Peut-être que Brice, t'en as déjà entendu parler. Un film qui s'appelle Star Crash, le choc des étoiles. C'est Ça un. me dit rien. En fait, c'est un Italien, toujours un Italien qui a vu Star Wars et qui s'est dit, bon, on va faire pareil. Incroyable. En fait, ouais, j'avais vu une émission au-dessus sur le film. Et c'est hallucinant quoi, parce que le mec disait bah ouais forcément ça c'est moins bien que Star Wars parce que nous les ciels étoilés on prenait une feuille noire et puis on faisait des trous à l'épingle et puis on mettait une lumière derrière quoi et on filmait ça et puis et du coup ouais c'est tout le monde et il y a David Hasselhoff dedans. David C'est pas Hasselhoff. rien quand même. C'est que c'est un bon film alors. C'est ça et en fait le tu sens qu'il y a une légère inspiration Star Wars sur certains points très légère, hein. Mais le film est vraiment incroyable. On l'avait trouvé sur YouTube. C'était, enfin, faut C'est une vraiment. expérience à vivre vraiment. Ah ouais. Bah, en parlant de film italien, Oula. je crois que je sais plus si je vous en avais déjà parlé. Je crois que je te l'avais envoyé, Victor. Est-ce que j'ai déjà parlé de Caligula? Tu m'en as déjà parlé, ouais, mais tu me l'as pas envoyé. Ok, il faudrait que je t'envoie ça, parce que. L'histoire de Caligula, c'est un film. Je me demande si je l'ai maté cette année ou je sais plus. C'était juste après la période des Fellini, enfin des Visconti, du gros cinéma italien. Enfin, le cinéma italien a eu un âge d'or assez long et juste après ça, il y a eu un creux, forcément, creux de la vague. Et l'État avait un peu d'argent. Il y a un mec qui arrive qui dit ouais, moi j'ai une idée de film historique sur Caligula. Du coup, je sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de Caligula, qui est un ancien empereur romain qui avait la verge chaude. Et du coup, l'État a dit, ouais, ok, c'est cool, on fait ça. Et le mec a chopé un budget, mais digne de des plus gros film de l'année, quoi. Il avait un des plus gros budgets de l'année. Et il a décidé tout simplement de tout claquer pour faire un espèce de... De boulard. Ouais, c'est ça, une orgie historique, on va dire. On va dire une orgie historique. Il a tout mis dans les décors et dans les costumes. Enfin, les costumes, quand il y en avait. Et je pense que ça a à voir. Je pense que ça a à voir. Vous pourrez le trouver sur Pirate Bay, où je peux vous l'envoyer si vous voulez. Mais c'est assez incroyable. Ok. Voilà, vive l'Italie. Bah, tu sais quoi, là ça me fait penser à quelque chose. J'en avais déjà parlé dans une précédente émission, mais vraiment je re-recommande parce que je l'ai revu avec des potes, donc c'est un peu bizarre de regarder ça entre potes, mais quand même c'était drôle. C'est Brice, tu dois connaître, je sais pas si tu connais Johan, Nicolas et Bruno, qui sont un duo d'humoristes qui faisaient des trucs sur Canal, les messages à caractère informatif. Ça me dit, oui, ça me dit quelque chose, mais Voilà, ça. où ils reprenaient des vieux films d'entreprise et qui redoublaient par-dessus un peu à la classe américaine dans l'esprit. C'était très drôle. Et en fait, ils en ont fait un. Ils ont fait un film, message à caractère pornographique, où ils ont repris que des vieux films de boules des années 70-80. Tu sais, des parodies de Star Trek, des trucs dans le genre et tout. Et en fait, ils en ont fait un film où, en gros, tous les gens sur Terre ressentent un irrépressible besoin de baiser. Et personne ne sait pourquoi, et du coup, il y a des mecs dans un vaisseau spatial qui décident d'enquêter. Et du coup, bah, c'est toujours filmé avec les blagues et tout. Enfin, c'est pas filmé parce que c'est des images qui redoublent, mais c'est toujours fait avec beaucoup d'humour, où tu vois bah, des gens qui sont en train de pratiquer le coït sur sur des canapés, et puis t'as une voix off qui fait eh oui, c'est l'ouverture des soldes au Queer Center de Châlons en Champagne. Ayo. C'est la première ville qui m'est venue. Voilà, donc je vous le recommande, on le trouve sur archive.org très facilement. Et dans pas mal de Cash Express. Non, il est pas sorti en DVD, je crois. Ah, bah alors ça doit être une copie piratée, mais je l'ai déjà vu. Ah ouais, parce que Sérieux? Ouais. parce que moi je le veux. Hein. C'est collector ça. Ah oui, non, c'est super collector. Et ben je crois que je l'ai pas pris. Oh là là, aïe aïe aïe. Un drame est en train de se jouer devant nos yeux. Sur Parce le que perso, terrain. moi, dans les cash Mais converters, du à part coup, du bigard, je vois pas grand-chose. Hein. du coup j'ai une transition parfaite. Bon, je me déplace en même temps. En bouquin à livre à lire en 2020, j'ai eu. Attendez, faut que je retrouve ça. Je vais te donner le titre exact. T'as encore un sapin de Noël. Ouais, bah écoute, on a dit qu'on l'a jusqu'à fin janvier. Ce livre s'appelle Les pires parodies sont souvent les meilleures. Les pires parodies X. Parodies X, pardon. Sont souvent les Ça. meilleures. Et du coup, ça répertorie, si vous voulez, c'est un puits de culture sur toutes les parodies de films existants, mais version porno. Version porno. Donc y a pas mal. Moi, j'ai eu inclus le DVD de la Planète des singes, si vous voulez. on pourra se le faire un de ces jours. Et il y a pas mal d'inspiration. Ça a été une de mes lectures 2020. J'essaie de vous trouver des noms Rigolo. de films sympas, ouais. Ok. Star Trek. Efficace. Entre autres, ouais. Mais pour faire un parallèle avec le porno et la musique, j'avais redécouvert aussi récemment plein de musique de porno des années 70 qui était aussi tout à fait remarquable pour, dans le genre funk d'ailleurs aussi, où il y avait vraiment, j'ai l'impression, une vague de créativité là, à cette époque en fait, dans les musiques de films porno en fait. Il y a vraiment toute une bande-son qui avait été faite pour chaque film porno avec un compositeur, vraiment comme un vrai film. Et ça a donné des trucs vraiment géniaux en fait. Ouais, je sais que j'en ai quelques-unes sur Discogs dans ma wishlist. Et c'est assez rigolo d'essayer de retrouver qui c'était en fait les compositeurs Ouais. de ces bandes originales en fait, parce que ils ont tous pris des pseudonymes. Et c'est assez rigolo d'essayer de remonter jusqu'à leur vraie identité, parce que souvent c'est des gens assez connus d'ailleurs qui ont fait d'autres bandes originales. D'accord. Parce que là, j'avais comment Alors, je sais pas si c'est un groupe ou si c'est un label ou si c'est un truc. Enfin, j'avais quelques compiles comme ça. Il y en avait une qui s'appelait Porno Groove, The Sound of 70s Adult Film. Ouais, il me semble que c'est tous le même en fait. Moi, j'avais vu ça sur Kickstarter, je crois. Ouais. Et il ressortait les meilleurs morceaux des films de Brigitte Lahaie. D'accord. J'ai d'ailleurs revu récemment dans un épisode de C'est mon choix. Oh. Enfin, dans une émission. Ah oui, mais c'est vrai qu'on regardait des épisodes de C'est mon choix et de Ça se discute à Metz. Ouais. Et t'as Il y a eu une continué. énorme vague de reposts sur YouTube cette année d'ailleurs. Ouais, c'était plus 2019. C'était plus 2019. Ah, il y en a eu pas mal cette année aussi. Des Ah. striptease aussi d'ailleurs, j'en ai trouvé plein que j'avais jamais vu avant. Alors que je suis un énorme fan de striptease, je pense Comme nous tous. Ouais. Je sais pas si vous aviez vu, il y en a un qui s'appelle Pastis sur ordonnance. Ouais, celui-là, ouais. C'est avec le docteur qui a un bar en même temps, Ouais, c'est ça. Et non? t'as Ouais. Et toujours. qui est plus bar que docteur. Oui, c'est ça. Et qui est plus client que barman. C'est ça, c'est incroyable. À chaque fois que tu vois le montage où il est là, qu'il est debout sur le comptoir en train de faire tourner sa chemise, et qu'ensuite ça La coupe, chemise trempée. et tu le vois genre à son cabinet le matin avec les yeux dans le vague, assis tout Avec seul. un ou avec un représentant commercial qui lui vend un C'est médicament. ça. Celui-là était ouais, mais j'en ai retrouvé un autre qu'on avait bien apprécié ensemble, je crois. C'était celui-là où il joue à Second Life, le MMORPG. Ah oui, je l'ai rematé aussi cette année. Il est absolument génial. En fait, ils ont suivi des gens qui jouent à Second Life, donc qui communiquent ensemble. Et je sais pas, donc pour ceux qui connaissent pas Second Life, c'est un MMORPG en fait où on peut avoir une seconde vie en fait. C'était principalement social en fait, il n'y avait pas de combat ou. C'était les anciens Sims, quoi. C'était les anciens Sims online en fait, ouais. Ouais. Et il y avait tout un truc, quand on était au collège, je pense, donc c'était à au moins 10 ou 15 ans, Ouais. je pense que c'était les années 2000. Et c'était vraiment un des premiers MMORPG où il n'y avait pas que des nerds en fait, fans de fantasy, etc. Il y avait vraiment des gens Des de mères de tout genre. famille. C'est ça, exactement. Et en fait, dans ce striptease, ils ont suivi donc plusieurs personnes au foyer, parce que des fois ils sont deux joueurs dans un seul foyer, donc les deux parents. Et ils les ont suivis donc en même temps, au moment où ils communiquent, etc. Et c'est super intéressant de voir comme certains essaient de s'en défaire et d'autres qui sont complètement dedans, qui veulent pas en sortir. T'as le couple qui. Donc la fille a des histoires d'amour online en fait, donc virtuelles. Et elle en parle à son copain comme si c'était genre son vrai amant en fait. Et c'est complètement hors de la réalité en fait quand tu regardes ça. Il est vraiment génial celui-là. Il s'appelle comment? Il faudrait que je retrouve le titre. Je peux retrouver ça vite. Ok. Mais Second Life, c'était parti assez loin, non? Dans l'idée, il y avait même génération d'argent réel. Il y avait quand même des histoires comme ça aussi. Je crois des entreprises qui avaient carrément investi, enfin qui étaient dans le jeu Oui. Ouais. pour faire leur Ouais. pub. L'UMP. Il y avait l'île de L'UMP. l'UMP. C'était devenu un espèce de réseau social en fait. Oui. Et j'avais vu un truc qui disait que peut-être que. Suite. Alors, je sais pas où ça en est parce que je me suis pas trop renseigné, mais le jeu vidéo Fortnite. Je sais pas si vous avez un peu suivi, c'est un espèce de voilà de jeu en ligne gratuit de Battle Royale où tu commences à 100 sur une île et puis ça se rétrécit et il doit en rester qu'un en gros. Et ben J'ai un neveu de 14 ans, du coup, non, du coup tu connais. je connais par ce biais-là. Quand tu te sens obligé d'expliquer Fortnite, c'est là que tu vois qu'on est des vieux cons quand même. Oui, mais c'est ça, mais en fait moi qui travaille dans un espace avec des consoles, je peux te dire que je le voyais tous les jours avant qu'on ferme les consoles pour Covid. Mais en fait, ils ont fait des concerts sur Fortnite où en fait tu pouvais aller voir dans Fortnite, t'allais sur un serveur et en gros t'avais accès à un concert en direct d'un mec. Et en fait, ils se demandaient si Fortnite allait pas finir par devenir une sorte de Second Life. Un truc qui pourrait s'apparenter à Second Life où il y aurait vu qu'il y a des artistes qui viennent sur Fortnite pour faire des représentations, pourquoi il n'y aurait pas des entreprises qui viendraient faire de la pub sur Fortnite, tu vois, genre des choses comme ça, créer un univers virtuel, étant donné qu'ils ont énormément de joueurs. Et ce qui est flippant, c'est que bah, il y a énormément de jeunes joueurs, et comment ça peut tourner cette histoire, quoi. Ça devient un truc ultra mercantile ou... De toute façon, dès qu'il y a du public et de l'attention à avoir, il y a toujours... Capitalisme. Pas forcément, tu peux faire de la propagande si c'était non. Un état. Je sais ce que tu essaies de faire, Brice. Non, tu n'arriveras pas à invoquer Adam. Merde. Mais pour revenir à l'épisode de Second Life, en fait, c'était pas Striptease, c'était une autre émission qu'il y avait en Belgique d'ailleurs, qui s'appelait Tout ça ne nous rendra pas le Congo. Et l'épisode il s'appelle Cucker et les garçons. Cucker c'est le pseudonyme, c'est le pseudo d'une des joueuses. De ce qui me, enfin il me semble que Tout ça ne nous rendra pas le Congo, c'est une émission qui a été faite par les créateurs de Striptease aussi. Exactement. Ouais. Voilà, et qui était bon évidemment le c'était en fait par rapport à un épisode le titre de l'émission. Où c'était ben, l'équivalent belge du mec qui était pour l'Algérie française, quoi. voilà. Parce qu'on a tous nos racistes chez nous. Je suis en train un peu de regarder ce que ça, c'est les titres vendent du rêve. Ah oui, oui, les titres. Je pense que je vais me faire des séances après. On a déjà le nom de l'émission. Ouais. D'ailleurs, c'était le Zahir à l'époque. Hein. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a eu le Zahir, mais le Zahir, c'était... Non, c'était pas... C'est l'ancien Congo. Ah ouais, ouais. Oui, parce que c'est le nom du fleuve. Le Zahir, c'est un fleuve. C'est ça, un peu de géographie dans déviation, ça fait pas de mal. Vous connaissez bien l'histoire de la colonisation. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a... en 2021, sortie cinéma, OSS 3, alors je sais plus c'est quoi le titre exactement. Alerte rouge en Afrique noire. C'est ça. Ça promet encore. Bah, moi j'ai un petit peu peur étant donné que c'est pas Zanavicius qui le fait, quoi. Ouais, mais c'est Alain qui écrit quand même. Enfin, c'est le même scénariste. J'aurais bien aimé avoir l'avis de Brice du coup sur OSS 3. Bah, j'attends de le voir. Mais sur justement tes attentes, etc. Parce que moi, bah, je pense que je suis autant fan de OSS que toi. Mais j'ai pas suivi donc les actualités sur le 3. Alors moi, ce qui me pose problème, enfin, il y a un truc paradoxal, c'est ça, c'est Nicolas Bedos qui réalise. Aïe aïe aïe. Alors je serais tenté de dire pareil, sauf qu'il a fait deux films et il se trouve que ces deux films sont plutôt pas mauvais jusqu'à là. Donc ça va. Après, à l'écriture, c'est toujours Jean-François Alain qui est le co-scénariste des premiers OSS. Et c'est aussi le scénariste de Au service de la France, qui est une série Arte qui était sur Netflix, qui est sur Netflix aussi, qui je vous conseille d'ailleurs, qui est vraiment cool. Un peu un espèce de copier d'OSS, pareil, mais avec les services secrets français à la base, on va dire. Et c'est assez cool. Et du coup, mes attentes, il y a Dujardin, il y a Jean-François Alain, Bedos, s'il s'occupe juste de la réal et pas de l'écriture. Ok, ça peut me tenter. De toute façon, j'irai le voir quoi qu'il arrive. Donc, ok. Je vous en dirai des nouvelles. Ok. Mais du coup, c'est une transition toute trouvée pour parler de 2021 et d'après, parce qu'on peut aussi parler d'après 2021. C'est vrai que, comme on disait dans l'enregistrement précédent, dans la partie 2 de ce hors-série, c'est vrai que c'est difficile de se projeter. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué, on va se mentir, c'est pas évident. Mais est-ce qu'il y a des choses que vous attendez particulièrement de, je sais pas, même du jeu vidéo, du film, de la série, yes. Des bouquins C'est vrai qu'on n'a pas parlé de bouquins. C'est vrai, on peut aussi faire, parce que c'est vrai que t'as sorti ton bouquin sur les... C'est un peu limité si les gens vont croire que je lis que ça. Bah, d'ailleurs, c'est le cas en fait. Non, j'ai découvert des beaux bouquins cette année. Ah ouais ? J'ai bien lu, ouais, quand même un peu. Il y a un journaliste. Je suis en train de le lire actuellement, donc ça peut rentrer dans 2020 et 2021. Ok. Il y a un journaliste sportif français qui s'appelle Romain Molina, pour ne pas citer, qui a fait un bouquin qui s'appelle Beautiful Game, Food, Guerre et Politique. Et du coup, c'est vraiment stylé. Enfin, en fait, c'est un journaliste qui est toujours un peu à part dans le monde. Lui, c'est un journaliste spécialisé dans le foot, mais il regarde aucun match. Lui, ce qu'il aime, c'est ce qui est autour. C'est l'économie du foot, c'est le monde du foot, etc., etc. Et du coup, là, il a fait ça, football, guerre et politique. Et c'est assez intéressant, des destins. C'est vraiment un bouquin de géopolitique. C'est des destins de footballeurs dans des pays comme le Yémen ou le Cambodge ou des pays un peu perdus, où il explique, il présente un peu le portrait de la personne en mettant autour le contexte géopolitique, ou enfin Cambodge des années 70 pendant les Khmers rouges, ou le Yémen actuellement pendant peut-être la plus grosse famine qui se passe sous nos yeux sans que personne ne dise rien. Et c'est assez, ouais, c'est assez intéressant. Donc je pense que pour 2021, je vais continuer un peu là-dedans, dans les lectures un peu géopolitiques, avec des axes d'entrée un peu particuliers. Ok. Non, ouais, j'ai lu d'autres choses. J'ai essayé de rattraper les classiques parce que la lecture, je me suis mis très tard. Peut-être à 25, 26 ans, quoi. Ou 24 ans. Je me suis mis assez tard et du coup, j'ai essayé de rattraper quelques classiques. Donc, j'ai lu Candide pour la première fois, pour la première fois cette année. J'ai lu Fahrenheit 451 pour la première fois cette année. J'ai lu, je sais plus, La ferme des animaux. Il n'est pas au programme de cinquième, Candide? Non, bah non, moi je l'avais pas, j'avais que des livres de merde, moi. Alors moi j'avais le droit à de la La merde. ferme des animaux est trop cool. Ouais, il est grave, ouais, je suis d'accord, je l'ai fini il y a pas longtemps. Enfin, il est pas très long de toute façon. Et du coup, je pense que ça m'a un peu motivé pour rebouquiner. Après, j'aime bien, là c'est un peu chiant, mais j'aime bien me poser l'été dans un parc et tu prends une bière et tu prends un bouquin et tu passes l'après-midi, quoi. Et du coup, en 2021? Voilà. Et du coup, pour rester sur la lecture, est-ce que je m'étais noté des trucs? Ah ouais. J'ai reçu un bouquin à Noël. Je crois qu'il est par là. Qui a l'air assez stylé. C'est Le poids des apparences. Beauté, amour et gloire. Et en gros, c'est d'analyser de façon sociologique comment est-ce que ton apparence. Enfin, à quel point ton apparence a une importance dans la société à tout point. Ouais. Genre que ce soit monde du travail, en amitié, en amour, est-ce que le fait d'être beau te permet de mieux réussir dans la vie, à l'école et tout? Et apparemment, c'est hyper intéressant. Enfin, il y a déjà plusieurs personnes qui me l'ont conseillé. Donc, je l'ai commandé à Noël. Ok. Et on verra ce que ça On n'en donne. avait pas parlé justement dans l'épisode sur besoin de reconnaissance. Tu l'avais évoqué, non? Je crois pas. Enfin, j'en ai peut-être parlé, mais je l'avais pas vu que c'était avant Noël, je sais pas. Je l'avais pas reçu en tout cas. Ok. Il y a un. Je pense, Brice, j'ai un bouquin qui pourrait te plaire. J'en avais déjà parlé, je fais des redites, mais de Fabrice Caro, qui s'appelle Le Discours. Et ils vont faire un film sur ce bouquin. Oui, ils vont faire un film, j'ai vu ça. Mais je sais pas si tu connais ce qu'avait fait Fabrice Caro ou Fab Caro pour les BD. T'en avais déjà parlé dans l'épisode où j'avais Ouais, participé, bah Fab Caro, effectivement. vraiment, faut lire Zaï Zaï Zaï Zaï, c'est incroyable. C'est. Non, vraiment, Johan, si t'as l'occasion aussi. Je sais que j'ai déjà recommandé à Jonathan, donc j'ai pas. Et j'ai un autre bouquin aussi pour Johan que j'ai reçu à Noël. Ouais. J'écoute. Comment tout peut s'effondrer. Petit manuel de collapsologie. Et donc, on va voir comment notre civilisation pourrait s'effondrer dans les prochaines années. C'est Pablo Servigne, ça, non? Ouais, c'est ça. Mais Pablo Servigne, pour le coup, il y a, si vous voulez un peu vous initier à ses propos, il y a un Thinkerview qui est intéressant à son sujet sur YouTube. Donc une interview d'une heure et demie où il parle bah, de l'effondrement et tout. Et pour le coup, lui, enfin, juste petite parenthèse, mais il a une approche assez cool. Parce que lui, il part du principe qu'en fait, il y aura un effondrement, mais l'humain va s'en sortir avec l'entraide. Et en fait, il part pas du principe qu'on va s'entretuer, quoi. Dès que tout va s'effondrer. Lui part du principe que dans la nature, dès qu'il y a un grand chamboulement, c'est l'entraide qui prime. Et donc quand ça va arriver, ben, on sera tous. Bon, après, c'est peut-être un peu naïf, mais bon, je trouve que c'est une vision assez belle de la chose. Voilà, je ferme la parenthèse, désolé. C'est assez Bon, exceptionnel pour être noté en tout cas. Exactement. Tiens, c'est vrai, je repense à ça, Johan. Tu nous parlais d'un truc qu'avait fait ta mère. Ah, un test ADN de ma Voilà, mère ça et fait ma partie sœur. des choses de. C'est... Voilà, un truc que tu avais fait donc cette année. Je repense à ça parce que j'avais zappé, mais ça peut être vachement intéressant. En vrai, c'est un truc assez intrigant, tu vois. Je suis sûr qu'on est tous déjà tombés sur des vidéos sur YouTube de trucs qui parlaient de tests ADN pour voir à peu près d'où tu pourrais venir, tes ancêtres, tout ça. Et c'est intrigant, tu vois. Tu vois, je serais pas prêt à dépenser 300 balles pour ça, mais ça m'intrigue, tu vois. Mine de rien. Mais Alors que je sais très bien que le résultat, ce serait, bah, ta famille vient de Bourges, tes ancêtres viennent de Bourges, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. peut-être pas en fait, parce que bon, moi ça m'a jamais vraiment intéressé de savoir mes origines ethniques, etc. Parce que bon, je pense que ça veut rien dire. Mais j'ai fait pas mal de recherches de généalogie en fait, mais pas forcément en 2020, c'était un peu avant. Et dans ma famille, c'était un petit peu compliqué parce que il y a juste dans la famille de ma grand-mère en Il y avait fait des choses à qui cacher. était non pas vraiment, mais c'était pas facile à trouver en fait du fait des administrations et tout ça qui change. Mais en fait, il se trouve que dans L'Alsace. la branche de ma grand-mère, la famille a toujours été un peu Suisse-Allemagne, enfin pays du Rhin en fait. Et Argentine. le truc vraiment intriguant, en fait, c'est que ma mère a jamais vraiment connu son père biologique, un père adoptif, parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails personnels de ma mère, même si ce n'est pas forcément quelque chose qui l'atteint profondément, quoi, mais il y a toujours eu un peu cet inconnu, tu vois. Donc, elle a quand même ressenti apparemment le besoin de faire un test ADN pour voir... je sais pas, pour en avoir le cœur net ou par curiosité en fait. Et en fait, apparemment, il faut savoir, un test ADN, ça remonte sur 100 générations, 150 générations, alors que la généalogie, tu vas peut-être, si tu as de la chance, si tu es bon, tu vas peut-être faire 10 générations maximum. Du coup, disons que la généalogie va plus te donner une idée de la culture, je pense, de ton background culturel en fait, de ta famille. Et le test ADN vraiment de l'ethnie en fait. Mais apparemment, mon patrimoine génétique en fait montre que je viens plutôt d'Afrique du Nord et d'Espagne, Portugal et de Scandinavie. Même si j'ai découvert que les côtés scandinaves en fait viennent peut-être aussi d'Afrique du Nord parce que les Vikings ont colonisé le Maghreb ou l'Algérie en tout cas pendant pas mal de temps apparemment. D'accord. Mais je veux dire, on apprend des choses qui, je sais pas, peut-être aussi on parlait à Brice parce qu'il a beaucoup philosophé là-dessus. Ah ouais? Ah Ouais, ouais? à l'époque où on se côtoyait. Non, mais par contre, moi, ça m'intéresse de savoir. Parce que je sais que ma grand-mère, elle a fait des recherches. Bon, c'est juste des recherches, c'est pas un test ADN. Et elle a retrouvé. Elle est remontée jusqu'en 1000, 1700 et quelques, il me semble. 1600 et quelques. Et en fait, on vient que de France. Genre, j'ai vraiment que des. Jusqu'à. Enfin, à partir de 1600, j'ai que des origines françaises. Donc moi ça m'intéresserait de voir en remontant plus loin. Est-ce que si je suis un Gaulois réfractaire ou pas? C'est toujours possible que ta famille soit mélangée à des flux qui soient arrivés en France, tu vois. C'est tellement complexe Parle et pas trop de flux avec ma tellement. famille. Tu veux dire un métissage? Mon Dieu, Seigneur Dieu. en fait, c'est la Non morale que mais tu tires j'aimerais bien. avec ces tests ADN, c'est qu'à l'échelle historique, en fait, de l'humanité, on est tous métissés, en fait. Il n'y a personne qui soit. Je pense que peut-être Bah, les. à partir du moment où des frontières sont des traits tirés sur une carte, oui, je pense que de toute façon, si plus on monte loin, plus t'es obligé d'être métissé. C'est vrai, je me souviens, Joanne, que tu avais essayé de chercher par rapport à ton nom de famille, éventuellement, quand on était à Metz, et que tu avais retrouvé éventuellement des gens qui appartiennent à ta famille, À Metz? parce que ton nom de famille est assez particulier, et il me semble que tu en avais retrouvé aux États-Unis, avec le nom qui avait légèrement C'est une changé. tombe que j'ai retrouvée. Enfin, une photo d'une Une tombe, hein, tombe. Ouais. aux États-Unis. Et ça paraît quand même assez improbable que mon nom, en fait, par pur hasard, avec 10 lettres, 8 consonnes, et puis se retrouver sur une tombe sans aucun lien avec ma famille. Ce nom qui te fait gagner instantanément une partie de Scrabble en un coup. Et qui fait Mais croire à tout le monde que je suis un sauf Allemand. sauf s'il joue contre un Polonais. C'est vrai. C'est vrai que c'est. Oui, t'avais retrouvé une tombe, ouais, t'avais pas retrouvé des gens, oui, c'est une autre histoire. Non. Non, c'est vrai que rechercher avec le nom, en fait, ça n'a aucun sens non plus d'un point de vue génétique, en fait. Oui, c'est sûr. Après, quand t'as un nom qui est aussi peu répandu que le tien, c'est peut-être plus parlant qu'un nom comme le mien, si tu veux. Bah, surtout quand t'as un nom dans une langue qui est pas Oui. parlée à l'international. Oui, voilà. Si t'as un nom allemand, bah, tu sais à peu près d'où ça vient normalement, alors qu'un nom français, ça peut venir de tous les continents Non, globalement. mais un exemple typique de changement, etc., c'est que moi, dans mon nom, il y a un OE. Et en Allemagne, ils ont tendance à le remplacer parce que OE, c'est le O avec les deux petits points dessus, quoi, avec les trémas, les umlauts. Et ils ont tendance, dans les lettres administratives, etc., alors que j'écris OE, à me répondre en écrivant en remplaçant par le O umlaut, en fait. D'accord. Donc, typique exemple de comment un nom peut changer. Voilà, même pas respecté. Et ouais, moi j'ai un problème aussi avec mon nom qui est un nom très répandu, mais personne sait l'orthographier. Parce qu'il y a le syndrome Dupont et Dupont. Et du coup, tout le monde pense que ça peut être un T ou un D à la fin. Alors que non, en fait. La variante avec le T existe qu'aux États-Unis, il me semble. Tu sais, Brice, tu vas peut-être me corriger, mais il n'y a pas des basketteurs. Il y a un Kevin Durant. Voilà. Et ben en France, voilà, c'est que Durant D, sauf erreur d'état civil en général. Et du coup, mais par contre, tout le monde te demande Durant avec un T ou avec un D? C'est un D. Bref, et puis, mais tiens d'ailleurs, ton nom, Jonathan, est-ce que c'est un nom qui est. Parce que Jonathan a un nom plutôt à consonance hollandais, et légèrement. Et Légèrement. est-ce que c'est quelque chose de plutôt courant ou pas? Non, bah, alors moi, la démarche qu'a fait Joanne, je l'ai faite aussi Ok. il y a 2 ans, je crois, d'aller remonter un petit peu trifouiller. Et je suis remonté assez loin parce que j'ai eu la chance, en fait, qu'un très vieux ancêtre a construit, bon, c'est rien de ouf, mais a construit une église dans un vieux village en Friesland, donc c'est dans le nord des Pays-Bas. Et donc, du coup, en fait, il y a beaucoup de notre histoire qui s'écrit là-bas, et il n'y a pas longtemps, il y a mon grand-père du coup qui a fait un pèlerinage là-bas pour aller voir un peu. Ils ont retrouvé des traces en fait de dalles. Oui, bah, du coup, il y a une dalle avec notre nom, mais qui est un poil modifié. Et donc en fait, c'est cool parce que du coup, on a une partie de notre histoire qui est forcément là, et après, on a un trou, parce qu'on sait pas où sont partis les gens, forcément, il n'y a plus trop de traces. Et après, ça arrive du coup à nous. Mais du coup, il y a quand même quelques traces qui subsistent, et ça, c'est plutôt sympa, on va dire. Bon, c'est qu'un caillou, ouais, Ouais, mais mais c'est. enfin, il y a une trace écrite de votre nom qui date, quoi, Voilà. qui a une, qui a, enfin, je veux dire, c'est un patrimoine, quoi. Et est-ce que vous savez, Ouais. bah, surtout Jonathan et Johan, si votre nom veut dire quelque chose dans sa langue? Enfin, souvent, on avait l'habitude le nom de famille qu'on donnait à la personne, ça décrivait un truc. Alors moi, c'est un peu. En fait, le nom actuellement, comme il est, ce serait l'équivalent en français de par exemple de Bourges, tu vois, par exemple. Donc c'est pas très ouf. C'est-à-dire c'est un lieu-dit avec le 2 devant. Maintenant, quand tu prends la version du nom au passé, enfin avant qu'elle soit trop modifiée, ça avait, je sais pas ce que ça voulait dire, mais tout était collé en fait. Il n'y avait pas l'écart. Donc c'est, je sais pas exactement. Mais actuellement, ouais, c'est comme si je m'appelais de Bourges ou de Paris ou enfin bon, rien Ouais, de non, ouf. de Bongy-sur-Craon, étant donné que c'est un lieu-dit. Exactement. Moi, j'ai pas vraiment de signification en fait. Je pense que c'est, enfin, c'est manifestement un origine germanique, vu que comment c'est écrit. Mais je pense que ça date d'une époque où la langue était tellement différente en fait, l'allemand, tous les dialectes allemands qu'il y avait autour. Parce que c'est pas très vieux l'allemand comme on l'apprend à l'école, etc. Le haut allemand. Avant, c'était des multitudes de dialectes. Je pense que c'est difficile d'arriver à trouver une espèce de traduction, quoi. Mais il me semble que stolz, ça veut dire fier. Et que le préfixe à la fin, c'était dit, tu peux pas, petit fier, j'en sais rien. C'est la seule piste Ok. Mais en tout cas, vous avez quand même la chance de pouvoir faire des recherches et trouver des liens, parce que c'est vrai que quand tu t'appelles Durand, c'est plus compliqué. bah voilà, tu t'emmerdes quoi, en Ouais. généalogie. Ça fait C'est un chier, peu ça casse pareil, les hein. couilles C'est un un peu peu. pareil. Oh, Brice, je pense que c'est jouable avec tout le monde. Bah, moi, je sais juste qu'il y a un mec quelque part dans ma famille qui savait pas nager, et du coup, ça a donné mon nom de famille. Et voilà, c'est tout quoi. Mais j'avais déjà recherché les sites à la con où on voit à travers le monde combien de personnes portent ton nom, etc., etc. Je crois qu'il y a quelques personnes aux États-Unis. Ça reste en Europe. Il doit y avoir, je crois qu'il y avait une personne en Ukraine. Yes. C'est ce qu'ils veulent. Hein. Ouais. Mais c'est tout. Non, c'est très champenois d'ailleurs. Parce que moi, c'est l'aunois, mais c'est IS. Et c'est surtout connu avec un Y. Ah oui. OY. Ouais, OY. Et moi, c'est OIS. Et OIS, c'est très, ouais, très champenois. Et c'est marrant parce que Y, ça fait un peu peut-être, tu sais, les noms. Alors, je sais pas, Languedoc, Langueuil ou un truc un peu plus ancien en fait. Ouais, bah c'est ça, et c'est vrai que des Y, j'en ai vu dans un peu toute la France. Donc ouais, je pense qu'il y a c'est des racines plus profondes. Ok. Bah, c'était intéressant toute cette parenthèse généalogie en fait. Parce que voilà, hein, comme je dis, moi je j'ai pas la chance de pouvoir. Enfin, je connais des histoires de famille, je sais que ma grand-mère avait cherché un petit peu, mais bon, elle avait vu par exemple qu'il y avait une femme dans ma famille après la Première Guerre mondiale, son mari avait été tué pendant la Première Guerre mondiale, qui s'est mariée avec un tirailleur sénégalais. Donc des choses un peu particulières comme ça. Là. T'as un groupe de pop rock à ton nom aussi, quand même. Oui, c'est vrai. Mais non, mais c'est non, ils sont pas à mon nom parce que eux, ils n'ont même pas un T ou un D, ils n'ont rien du tout. Alors, d'après mes informations, ils avaient un D, Ah ouais? mais à force que les gens, enfin, alors les gens posaient trop de questions, et du coup, ils ont dit, on va l'enlever, c'est plus facile. Ok. Mais après, Mais non. pour en revenir à la question du nom, tu pourrais par exemple chercher le nom de jeune fille de ta grand-mère ou d'une de tes grand-mères, ou remonter Oui, même bah après alors, pour pouvoir. c'est alors de l'autre côté de ma famille, si tu veux, c'est Martin. Alors, alors non, c'est mort. Connaîtra jamais ton background culturel. C'est ça. Moi, je crois que je vais éviter de parler du nom de jeune fille de ma grand-mère maternelle. Je sais pas si tu t'en souviens, Victoire. Non, tu peux l'écrire dans le chat si tu veux pas le nommer. Oh, bah, je peux très bien, c'est juste qu'on va peut-être être censuré vu que c'est un mot vulgaire. Enfin, non, l'anatomie. C'est anus. Elle, C'est vrai. Mais putain, c'est pas mais qui banal. s'est dit? Non, mais je vous jure que c'est pas une blague en plus. Avec un H au début. Et t'as fait des recherches De dessus quoi? ou t'as fait des recherches Non, j'ai dessus? pas fait de recherche, non, j'ai peur de ce que je peux Non. trouver. Et j'espère que ça n'a pas une signification ancestrale comme, comme avant. Ça devait être le trou du cul du village, je pense, le mec. Je pense que ça vient de Marie-Madeleine et tout. Ah ouais, il y a quand même une histoire, une belle histoire derrière. Une belle histoire d'amour. Là là, bref. Du coup, oui, Joanne, du coup, après cette parenthèse, on n'avait pas fait de brief sur 2021 et après. Comment tu vois les choses? Qu'est-ce que tu attends? Est-ce que tu as des projets? Est-ce que... Pour 2021? Ouais, ou après même. Ben, honnêtement, je pense pas que ça va s'arranger en 2021. Pour Brice, on l'espère. Donc Merci d'être niveau projet, intervenu. j'essaie de pas en faire en fait parce que Parce que j'en ai fait en 2020 et puis au final ça finit toujours par être repoussé. Du coup, non, je sais pas, j'ai pas l'impression Venir d'être nous voir pessimiste en peut-être? fait, mais c'est juste que jusqu'ici, enfin, en tout cas en Allemagne, enfin, là où j'habite, il y a jamais vraiment d'amélioration et les règles deviennent de plus en plus dures. Du coup, c'est un peu difficile Ouais. de parler de projet en 2021, mais je pense que je vais continuer mes espèces de projets de. D'ingénierie verte. Ok. Et puis on verra comment ça va se passer. Brise des projets. La santé, hein. Ah ouais. Ça, c'est les vœux. Ouais, bah c'est un peu la même chose. Non. Non, retrouver un taf. Puis après, franchement, peut-être se capter tous les trois, ça serait un beau projet. Ouais, c'est vrai. Ça fait Ça un fait moment, longtemps. bah ça Ça fait fait depuis Metz longtemps. qu'on s'est pas vu tous les trois, quoi. Depuis 2013. Ouais. Hein? Donc ouais. Sinon, non, j'ai pas envie. Parce que déjà, je me suis rendu compte qu'en faisant les cadeaux de Noël, eh ben, je kiffais que des trucs soit culturels, soit de voyage. Et en fait, ça pose problème. Et là, pour l'instant, tant que c'est pas réglé, tu peux pas programmer de voyage, tu peux pas programmer de trucs en extérieur, tu sais pas comment ça va se passer, tu sais pas si tu vas être confiné, tu peux même pas programmer d'aller voir un spectacle, ou je sais pas. Enfin, c'est compliqué. Moi, je sais pas, retrouver une espèce de stabilité, ça peut être cool. Et puis après, des projets, je sais pas, peut-être commencer à réfléchir à quitter Paris. Ouais. Je pense pas tout de suite, mais d'ici 3-4 ans, 2-3 ans. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on est beaucoup de gens à être dans la même optique, de bouger de la ville, mais Bah toujours après, moi, avec une c'est pas certaine vraiment cette réserve. optique-là. Hein. Moi, c'est pas vraiment cette optique-là. En y allant, je savais très bien que j'y serais pas 10 ans, quoi. Je savais très bien que j'y serais là. Et quand enfin, on m'approche de la trentaine, tu vas peut-être commencer à vouloir être proprio, tu vas peut-être commencer à vouloir, je sais pas, vivre, Avoir t'installer des plusieurs. enfants. Ouais, peut-être pas maintenant, mais peut-être pas maintenant, mais genre, je sais pas, t'installer vraiment, tu vois. Du coup, ça à Paris, c'est pas possible, clairement pas. Donc voilà, on réfléchit à ça. Quelle D'ailleurs, ville pourrait nous intéresser? ouais. Y a Sidi avec le lac. Vous êtes allé cet été. Le Ah, kayak. oui, je m'en souviens très bien. Je m'en souviens très bien. Tu veux que j'aille vivre là-bas? Et c'est mignon, tu peux pas dire le contraire. Ouais. T'as 45 minutes de voiture pour faire tes courses, mais ça, c'est une autre histoire. Oui, non, c'est un endroit sur cette planète, oui. Non, mais. Non, c'était très bien. Mais blague à part, dans cet esprit-là, je sais pas si tu la connaissais, Johan. Je t'en ai peut-être déjà parlé, mais Brice, Vanessa, je l'ai eu au téléphone récemment. En fait, elle quitte. Enfin, c'était quelqu'un qu'on connaissait Quelqu'un qu'on connaissait. Oui, bon, c'était mon Ouais. ex. Bref, on garde de très bons contacts. Et en fait, elle m'a dit, elle a un projet là. En fait, elle bossait dans le marketing à Paris. Elle a complètement, comme tous les gens qui ont un minimum d'éthique dans le marketing, au bout d'un certain temps, ça les saoule et ils veulent s'arrêter. Et du coup, en fait, avec sa belle famille, ils vont acheter un hameau dans la Vienne, et ils vont faire une ferme de permaculture, une ferme pédagogique. Voilà. Et du coup, ça me fait rire parce que on en discutait il y a déjà très longtemps en disant, ouais, monde du marketing, c'est pas. Enfin, il y a un moment, ça va plus te plaire, quoi. Et puis du coup. Mais c'est marrant qu'ils aient dû travailler dans le marketing pour en arriver à une extrême aussi, enfin, à un changement d'état aussi extrême, en fait. Bah en Ça, fait, très bobo parisien. ouais. En fait, je pense que le marketing, c'est certainement la plus grosse claque dans la gueule que tu peux te prendre d'un niveau un niveau professionnel. Soit t'as pas d'éthique, soit t'as une remise en question. Et il y a des gens, tu vois, typiquement Vanessa, elle y allait parce que c'est un truc qui l'emballait, c'était quelque chose d'assez créatif, voilà. Et elle s'est mise à fond là-dedans, et puis du coup, elle pouvait faire des choses assez créatives, donc ça lui plaisait. Et à un moment, elle s'est pris la réalité dans le, enfin, elle a vu les réalités, elle a vu que c'était un milieu qui était pas, malgré tout ce qu'il essaye de montrer, qui est pas forcément bienveillant. Et enfin, pour avoir vu un petit peu, mais ça, on fera un épisode avec Adam sur le marketing, parce que bon, ayant été tous les deux, voilà. Fautif à ce niveau-là, avoir fait une formation, une licence pro en web marketing, on a pas mal de choses à raconter. Mais voilà, enfin c'est vachement rigolo. En fait, dans cette formation, il y a une intervenante qui était venue nous dire et qui nous avait dit cette phrase et dit, bah, en tout cas, pour les femmes dans le marketing, en général, alors elle faisait une généralité par rapport à ce qu'elle connaissait, mais elle disait, soit tu finis à faire ta carrière là-dedans, célibataire, tu vis que par ton travail, tu deviens exécrable et tout. Soit autour de la trentaine, tu as une remise en question et tu pars sur un truc qui a plus de sens, quoi. Élever des chèvres. De quoi? Élever des chèvres. Ouais, par exemple. Mais t'avais pas, Johan, toi, un projet un peu similaire? Si, si, moi, clairement, mon projet, c'est de vivre en autonomie, etc. Mais c'est pas un truc que je prends en mode tout plaquer, changer de vie parce que j'en ai marre de bla, en Oui. fait. Je vois ça comme un truc plus sur le long terme, en fait. Ouais, sur ton parcours qui va t'amener à ça, quoi. C'est ça, ouais. Plus que en rupture. Ouais, mais je pense qu'il faut apprendre pas mal de choses, en fait, des lacunes qu'on a en tant surtout les gens de notre génération, en fait, où on n'a pas eu du tout de contact avec la production de la nourriture, etc. Je pense pour nous, en fait, la nourriture, ça s'obtient dans les supermarchés plus ou dans n'importe quel magasin, en fait, plus que de la terre, etc. Et donc, je pense que même sur plein d'autres choses, en fait, je pense que j'ai plein de lacunes qu'il faut combler avant de pouvoir être capable de vivre autrement, en fait. Mais ouais, c'est aussi un projet que j'ai sur le long terme, tu vois. Et ça fait sens après avec les trucs que je fais en électrotechnique, etc. C'est plein de choses dont je vais avoir besoin, je pense, pour me démerder, en fait, plus tard. Tu vas pouvoir reprogrammer un ordinateur qui va gérer un élevage de 450 vaches, leur donner à manger quand elles ont plus rien dans leur gamelle, tout ça. Les animaux, ça me dit pas, non. Les Non. animaux, c'est bon, ça me dit pas, non. Mais les plantes, oui, carrément. Après, j'ai toujours bien aimé les plantes et tout, quoi. Le plus gros dealer de la région, tu vois. Non, ouais, c'est carrément un truc. C'est carrément là où je me vois dans 5-10 ans, en fait. Ok. Ouais. Mais après, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux gérer ton installation solaire ou ta consommation pour arriver à une autonomie plus étendue ou plus conséquente. Ou tu peux automatiser ton jardin. Tu peux automatiser plein de choses, en fait. Mais Et t'aurais envie de faire ça en France, en Allemagne? bah ça, c'est une bonne question. En Allemagne, clairement pas, parce que le temps est mauvais déjà, même si ce serait jouable. Il y en a qui le font. Mais l'Allemagne, je pense pas que ce soit attractif à part Berlin, en fait. Parce que une maison, ça coûte vraiment un bras en Allemagne. Et surtout, le terrain, ça coûte très très cher. C'est-à-dire que de base, les gens qui deviennent propriétaires en Allemagne, ils ont plus de 40 ans, en fait. C'est presque impossible Ouais. d'acheter avant à la trentaine, quoi. Et en plus, tu vas pas avoir beaucoup. Alors qu'en France, les prix sont beaucoup plus bas. Et les aides à ce niveau-là, faut le dire, au final. Même si avant, je disais qu'en Allemagne, ça se bougeait plus niveau écologie, il faut dire qu'en France, c'est quand même très bien subventionné au niveau des. Bon, ça reste l'économie verte, hein, les panneaux solaires, etc. Mais ça reste quand même beaucoup plus subventionné. Donc je penserais plus pour la France, quoi. Et même la qualité de la Ok. terre et plein de choses en France est bien meilleure. C'est le plus beau pays du monde, la France. Dommage qu'il est C'est français, ça. quoi. Et toi, Jonathan, est-ce que tu as des projets sur... C'est vrai que je sais que tu as potentiellement des projets. Après, est-ce qu'ils vont se réaliser tout de suite ou pas? C'est ça, mais sur le 2021 et après. Alors, bah, j'avais pas mal de projets en 2020 qui du coup ont été mis de côté et du coup cette année je vais peut-être laisser un peu plus de côté. J'ai toujours un gros projet que j'ai depuis longtemps, qui est de partir dans les bah, pour travailler en fait dans les îles australes françaises. Donc c'est vers l'Antarctique. Donc il y a Amsterdam, il y a les îles Kerguelen, pour ceux qui veulent voir par exemple, ou Crozet. Donc ça c'est un objectif que j'ai depuis très longtemps. Et bon là c'est un peu compliqué en ce moment parce qu'avec la crise forcément ça réduit un peu la quantité de navires qui partent, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais après sur le très très long terme, non, moi je me laisse un peu porter. Après, je suis très admiratif en fait de tout ce qui est autonomie et tout. J'avais suivi pendant un moment le mec qui faisait l'actu animé, qui s'est vachement lancé dedans. Alors je sais plus comment il s'appelle sur YouTube, qui avait lancé. C'est le mec qui dessine du coup, mais qui était vraiment parti dedans. Et il donnait beaucoup de conseils sur justement apprendre à gérer sa nourriture, apprendre à se débrouiller tout seul d'un point de vue même des trucs tout con, de style construction et tout. Enfin des trucs qu'on sait plus faire, tu vois. Retaper un truc et tout. Enfin moi j'en serais probablement incapable. Donc je trouvais ça plutôt intéressant. Et pourquoi pas un jour essayer de me plonger un peu plus dedans. Maintenant, je m'en sens pas encore capable. Mais après, je trouve que c'est quelque chose qui a pris pas mal d'ampleur ces derniers temps et c'est vraiment intéressant. Ça prend de l'ampleur à plein niveau en fait. Là récemment, même à mon travail, il y avait une conférence avec l'écoféminisme en fait. C'est des féministes qui, en fait, c'est bon, le nom fait un peu peur en fait, mais c'est une branche du féminisme qui s'est détachée en fait du capitalisme et elle s'en détache par ce biais-là en fait. Avec la critique un petit peu de dire que il y a une grosse branche, la branche mainstream du féminisme qui s'est bien accrochée au modèle établi en fait, au patriarcat en fait, ils sont devenus patriarcales. Et enfin, tout ça pour dire que c'est quelque chose, l'autonomie, etc., qui touche vraiment à une large diversité de courants de pensée en fait. C'est vrai, c'est quelque chose qui va devenir d'autant plus, enfin, qui devient d'autant plus présent, qui est un sujet de plus en plus présent, et qui va devenir, qui est pas encore médiatiquement sur le devant de la scène, mais qui va le devenir très vite, je pense. Disons, je pense que pour moi, c'est le meilleur acte militant qu'on peut faire, c'est de chercher vraiment une alternative à la société. Parce qu'il y a, y a, y a vraiment y a des gens qui critiquent, t'en vois beaucoup, beaucoup. Mais au final, dans les faits, tout le monde vit de la même manière, tu vois. Et est-ce que vraiment, genre, se bouger pour faire quelque chose, quand on vraiment on n'est pas d'accord avec quelque chose, ce serait pas de chercher une alternative et d'essayer de prouver en fait que c'est possible quoi. Et ça c'est ce qui me donne un peu d'espoir maintenant en 2021, c'est de voir qu'il y a quand même pas beaucoup de gens qui commencent à y penser, beaucoup de gens qui s'y mettent et de voir que ça fait vraiment parler du truc quoi. C'est qu'il y a une vraie ampleur derrière ça. Mais c'est vrai que oui, il y a beaucoup de gens qui vont avoir une posture militante, mais qui vont malgré tout être dans un certain dépit au niveau de leurs actions. Parce que, comment faire en fait? Comment faire pour être militant autre que par la parole et l'opposition à une politique? Et en fait, je pense que je suis un peu d'accord avec toi. Je trouve que c'est une bonne manière de militer dans le sens où tu ignores complètement le système existant en faisant ton truc dans ton coin, t'emmerdes personne. Je pense que ça peut faire encore plus prise de conscience et tu recevras pas forcément de critiques genre ah regardez ils peuvent être violents machin truc ou ton propre militantisme peut être retourné contre toi d'un point de vue Alors que là, bah, en fait, tu fais ton truc dans ton coin, t'emmerdes personne, voilà. Mais je réussis à le faire, donc si je réussis à le faire, c'est que je suis pas le seul à pouvoir le faire, en fait. Et enfin. Bon, en fait, c'est parce que ça, ce problème, je trouve, il se situe à deux niveaux. C'est-à-dire qu'il y a ouais, les consommateurs, enfin, il y a nous, êtres humains. On peut changer nos habitudes, et ça c'est très bien sur le long terme, mais pour ça il faut qu'il y ait un long terme. Et s'il n'y a pas des lois, enfin des politiques et des grosses entreprises qui s'investissent vraiment là-dedans et qui font pas juste du greenwashing, si ces entreprises-là et ces états-là ne font rien, t'auras beau trier tes déchets, t'auras beau bouffer local, t'auras beau aller sur le marché, Non, parce que ça changera non, rien. mais Brice, la Terre est polluée à cause de toi. Oui, bah oui. C'est ça. Mais C'est ça, moi, c'est je ça. pisse dans ma douche maintenant, d'ailleurs. Oh. C'est Non, bien. mais en fait, c'est très bien de. On fait tous, je pense, à notre niveau, bon, plus ou moins, ça, c'est certain, mais on a tous pris conscience, surtout notre génération, j'ai quand même l'impression, qu'il y avait un problème là, un certain problème, et que ouais, prendre moins de plastique, c'est pas compliqué de consommer moins de plastique, c'est pas compliqué d'aller cuire tes légumes achetés sur le marché, c'est pas compliqué de trier tes déchets, d'éteindre la lumière quand t'es pas dans une pièce, c'est des trucs pas compliqués, tu vois. Donc ça, oui, je pense que avec le temps, ça peut s'installer, mais ça suffira pas, quoi. Mais oui, c'est pour ça que je pense qu'il faut réussir un petit peu à avoir une alternative, à se créer une alternative, parce que l'alternative, elle va pas venir de la société elle-même. Rien que le greenwashing, en fait, ça montre que ce sera toujours retourné d'une autre manière, en fait. C'est ça, la dernière fois, je discutais avec quelqu'un et tout, où je lui disais, putain, mais ça me saoule, genre, la marque Herta, tu vois, qui fait des trucs végétariens, tu vois. Des produits véganes et végétariens. Et j'étais là en disant, mais c'est ultra hypocrite, quoi. Et puis quelqu'un qui me disait, mais oui, mais ils le font, donc c'est déjà bien. Je fais, mais oui, mais en fait, ils produisent tout autant de viande à côté. C'est juste qu'ils ont ouvert un nouveau marché. Ils sont ouverts un nouveau marché, du coup, ils vont vendre encore plus. Parce que maintenant, ils vont pouvoir à la fois vendre aux gens qui aiment la viande et aux gens qui aiment pas la viande. C'est toute l'arnaque du bio en fait. Parce que, il y a beaucoup de gens qui pensent bien faire en achetant que bio, etc. Mais si tu achètes du bio qui vient de Nouvelle-Zélande, c'est tout aussi mauvais que si tu achetais du pas bio Ah d'un oui. maraîcher du coin, quoi. Mais Ouais, c'est ça. ça en fait, c'est une problématique tellement complexe en fait que et les gens sont tellement peu informés clairement là-dessus. Que personne n'y voit clair, en fait. Mais il y a aussi pas mal de gens qui sont hyper crédules. Et par exemple, quand il y a Cristaline ou Evian qui va te dire, ouais, bouteille en plastique 100% recyclée. Ouais, enfin, ta bouteille en plastique, elle est quand même en plastique, ta bouteille, alors que Ouais. t'as juste un robinet pour boire de l'eau, Mais tu c'est vois. pas le but des viands Et d'informer, tu vois. Eux, ils non, font je de la sais, pub. mais Ça, c'est clair ou le pas? problème, c'est là, et on en revient au marketing, c'est qu'ils font de la même manière que l'information. Et du coup, ils créent une Ouais, c'est ça. confusion dans l'esprit. Et en fait, la dernière fois où j'avais un truc qui m'avait scandalisé, c'est, tu vois, le traitement médiatique, enfin, publicitaire, pardon, de l'huile de palme. Où en fait, les marques qui utilisent de l'huile de palme essaient de créer la confusion dans l'esprit du consommateur en faisant croire que l'huile de palme, c'est mauvais pour la santé. Ce qui n'est pas le cas. Non, bah non. Mais à chaque fois, c'est ça, genre, oui, un produit sans conservateur et sans huile de palme. Tu vois? Où on essaie de te vendre le truc comme. Voilà. Et du coup, tu te retrouves face à des gens qui sont pas forcément informés et ils ont pas normalement à être informés de ça. Enfin, tu vois, t'as pas à être au courant de l'effet de l'huile de palme dans ta vie de tous les jours, tu vois, forcément. Mais c'est très difficile au sein d'une démocratie, enfin sans tomber dans la censure et le totalitarisme en fait, de légiférer sur ce genre de phénomène en fait. C'est pas Oui. possible de créer une loi qui va interdire les marques de faire de la désinformation par exemple. Ouais. On n'a pas dit que c'était mauvais le totalitarisme, hein. On fera un épisode là-dessus alors. Les bons côtés de la dictature. Non, mais après le libertarisme, c'est aussi une forme de totalitarisme en fait, pardon. Oui, je m'intéressais un petit peu à la politique aux États-Unis en regardant les différents partis politiques existants, en étant surpris de voir qu'il y avait un parti politique officiel nazi. Ah Voir, ouais, oui, c'est très bien, ouais. comme ça, tu sais, genre, et puis, tu sais, genre, avec la croix gammée et tout, enfin, tu vois, c'est pas genre de l'extrême droite avec un élément perturbateur qui a parlé de nazisme ou quoi que ce soit, non, non, c'est l'idéologie qui est comme ça. Et je m'intéressais aussi aux libertariens américains, où c'est très très particulier leur... C'est un des plus grands partis aussi, il me semble. Ouais, c'est dans les quatre premiers, en fait, dans les quatre partis principaux où en fait l'idéologie c'est de bah, la liberté tout en fait. C'est-à-dire que tu as à la fois des trucs qu'on considérerait de gauche, nous, la liberté, bah, tu vois, genre ouvrir les frontières, tout ça, pas du tout de restrictions à ce niveau-là, mais aussi des trucs qu'on considérerait de droite, comme la liberté de porter une arme et de l'utiliser pour se défendre. Mais c'est en fait, genre, c'est presque de, entre guillemets, de la société en autogestion. Genre tu voilà la société elle est comme ça et tu dis aux gens bah faites ce que vous voulez quoi Ça, c'est pas viable de toute façon. C'est le Far West en fait. Ouais c'est ça c'est En fait, l'être humain est trop con. Il est trop con pour vivre tout seul. C'est triste à dire, hein, mais on est trop nombreux et trop cons. Donc, à partir de là. Non mais on est un animal social, on a toujours évolué de cette manière. Non. Enfin c'est le choix d'évolution qu'on a fait en développant une partie énorme de cortex frontal pour communiquer, etc. Ça fait partie du patrimoine génétique de l'homme de vivre en groupe. Et donc ça fait pas forcément sens dans l'infini de regarder tout le monde comme un individu à échelle microscopique comme ça, quoi. Mais après, c'était Margaret Thatcher qui disait qu'il n'y a pas de société, ça n'existe pas, c'est une illusion. Et les libertariens, c'est aussi un peu... C'est les fondamentalistes en fait de toute la pensée ultralibéraliste américaine. Enfin, c'est voilà, on est parti sur totalement autre chose, on est parti sur de la politique, mais C'est normal, déviation. c'est le but. Mais c'est vrai que on avait c'est le principe de l'émission en même temps. On va pas délibérer là-dessus. Hein. Est-ce qu'on conclurait pas? Parce que ça fait quand même 2h15 d'enregistrement, ce qui est, ma foi, pas trop mal. Honorable. Honorable. On peut s'arrêter là, et puis on finit juste. Je sais pas si vous avez des recos. En général, je passe avant les invités Oui, parce que je suis pas poli. vas-y. Vas-y, Jonathan, recommande Non, quelque. est-ce comme ça, vous avez des recos ou pas? Sinon, je vous laisse le temps de réfléchir. Non, on va On réfléchir. réfléchit. Ok, d'accord. Moi, j'en ai qu'une, alors ça va aller très vite. Hein, mais je sais pas d'ailleurs si je l'ai pas déjà dit, mais on va dire que non. Ça m'est venu tout à l'heure quand on parlait de musique de porno, du coup. Rien à voir, mais du coup, j'ai pensé à une chaîne YouTube qui s'appelle Alain José, qui a 3000 abonnés, du coup, et qui met en ligne tous les jours et plusieurs fois par jour des musiques en fait de vieux films, donc des musiques de vieux films complètement oubliés. Bon, y a une quantité astronomique, et franchement, il y a des pépites dedans parce que c'est des musiques qui, du coup, ont été faites parfois que pour le film. Et on trouve des trucs vraiment, vraiment sympas. Du coup. Et c'était quoi le nom? Tu peux le répéter? Alors c'est Alan, A2LAN et espace José, Ok. JOSE. Alan José, donc un bon digger. Il y a 1043 vidéos, donc il y a de quoi Ah faire oui, niveau découverte d'accord, ouais. de ça. Ok. Brice? Bah, vu que j'écoutais Jonathan, j'ai pas réfléchi. Yes. Et puis j'ai pensé à Alan Théo, du coup ça m'a emmené dans un truc assez loin. Et du coup, non, je pense que je vais continuer mes petits voyages culturels. Je vais écouter pas mal de musique encore, je vais essayer, parce que là je me suis remis, comme j'ai dit en tout début d'émission, quand 2020 m'a permis de réécouter beaucoup de musique. Et là je pense que je vais continuer à redécouvrir, je sais pas, je me suis remis au rap français, donc je vais peut-être continuer à aller là-dedans, à diguer un peu, parce que c'était mes premières amours et j'avais complètement squeezé pendant 10 ans. Et je sais pas, après je vais toujours rester dans l'italo, sound pop, etc. Et sinon, en film qui vont sortir, bah, je sais pas, j'ai pas regardé ce qui sortait. Par contre, j'ai reçu un mail de Pôle emploi qui me disait que je pouvais être pris comme figurant pour le prochain film de Ridley Scott. Et Bagot. j'ai cru que c'était une arnaque et j'ai pas répondu, mais du coup, je pense que j'ai rien à perdre à répondre, donc je vais répondre. On va voir ce que ça donne. C'est quoi son prochain Ça film de Ridley Scott? s'appelle The Last Duel. Et c'est tourné en France. Et j'ai reçu le mail la semaine dernière, j'ai pas répondu, et je pense que je vais le faire et on verra ce que ça donne. J'espère que c'est pas trop tard. Donc on verra. Et sinon, après, ouais, les bouquins, j'en ai déjà parlé. Les séries, on verra ce qu'il y a sur Netflix. Hein. J'ai Ok. pas d'autres que. Si, j'ai une recommandation importante. Oui. Sur YouTube, allez checker la playlist Le meilleur du pire. Elle est pas publique. Elle est pas publique. Pour des soirées démentes. C'est vrai que c'est une Endiablée. playlist qu'on alimente avec Brice depuis déjà quelques années, qui a le mérite de regrouper effectivement le meilleur de ce qu'on a pu trouver, dans le pire de ce qu'on a pu trouver. Enfin, voilà, voilà. Je suis sûr que vous avez pu trouver. D'ailleurs, tu pourrais piocher là-dedans pour faire le générique de ce podcast. C'est non. Du coup, Johan, à ton tour. Moi, ce que je pourrais conseiller, vu qu'on a parlé de musique japonaise, je pense que pour ceux que ça pourrait intéresser, je peux que conseiller la discographie de Tatsuro Yamashita. Incroyable. Et Hiroshi Sato. Ok. Voilà, il faut prendre des notes. Mais je pense qu'il représente bien le style city pop, pop japonaise des années 80. Bah, De toute façon, on a fait une petite playlist sur Spotify où on a mis les morceaux qu'on citait, donc je rajouterai ça. Voilà. Playlist hétéroclite avec un petit peu de tout, des trucs un peu trap, des trucs. Enfin bon, du coup, c'est rigolo parce que c'est les recommandations de tout le monde. Et il y a eu la Zoubida. Non, parce que Brice l'a pas recommandé et il ne va pas le faire d'ailleurs. Et il est en train de se mordre les lèvres. Voilà. Non, mais en fait, je relisais mes notes de trucs que j'avais pris. J'aurais pu citer plein de trucs pendant ce podcast encore, on m'a pu tenir 2 heures. Non, mais t'inquiète pas, il y en aura d'autres. Je les garde. Hein. Allez aura... checker Seigneur Coconuts. Qu'est-ce que c'est? Un parmi d'autres, allez juste checker ça. Seigneur Coconuts, c'est un Allemand qui fait de la musique péruvienne. En reprenant les plus grands classiques de Kraftwerk, Daft Punk, etc. etc. Okay. Donc... Mais les Allemands adorent le monde hispanique. Hein. C'est... Partout, il y a des Espagnols. Mais ça, oui, mais ça, on l'a très bien vu en 45, hein, cher ami. Mais alors, moi, ma recommandation, c'est un truc tout à l'heure que j'ai découvert. Je ne connaissais pas, j'ai découvert, je vous l'ai envoyé tout à l'heure. J'ai découvert la musique du générique de Loft Story, la première télé-réalité française, et la musique est une cartouche incroyable, ça s'appelle My Only Love de Disconnection. Je vous l'enverrai et puis elle sera dans la playlist, si je la trouve sur Spotify, sinon elle sera dans la description. Et c'est vraiment vraiment un morceau de 2001 du coup qui est super dans l'esprit French House avec des samples et tout un peu house filtré, enfin ça tue quoi, ça tue. Je confirme, voilà. J'étais assez surpris, mais ouais. C'est pas le cas de toutes les chansons de Love Story. Oui parce que après on a Brice, tu voudrais en parler peut-être, l'autre morceau? Oh non, c'était la musique que les participants avaient créée eux-mêmes, je crois, pour leur propre album. Mais tu t'en souvenais bien, c'est pour ça que... Ouais, je crois que je l'avais en single. Non, je l'avais pas en single. Alors là, info, je l'avais, on l'avait chanté au centre aéré quand j'étais en primaire, je pense. On avait dû le chanter, et voilà. Eh bien, une enfance gâchée. Ouais, donc le morceau qui s'appelle Up and Down, l'artiste c'est les Lofters. Voilà, avec une pochette avec Stevie Boulet, fier comme Artaban avec ses mèches blondes. D'ailleurs, c'est là qu'on remarque que la mode des cheveux teints en blond pour les garçons revient actuellement, ou là c'est en passe de se finir, mais il y a eu un truc comme ça. Et c'était déjà le cas début 2000. Et moi, quand j'ai vu revenir cette mode, je me disais, on se souvient comment ça a fini la dernière fois. Hein, faudrait... En tectonique. Voilà, faudrait pas que ça se reproduise, tu vois, le devoir de mémoire, tout ça. Moi, je me souviens que j'avais des copains qui avaient des pics sur la tête et puis le haut des pics en blond. C'était non. Et ça va revenir. J'avais un pote qui s'était fait, qui voulait surfer sur cette mode. Et je pense qu'il est pas allé chez le bon coiffeur parce que il était revenu avec les cheveux tout jaunes, mais jaune pisse, C'était, ouais, jaune pisse. Et c'était vraiment une boule jaune, sans aucun dégradé de couleur, ni rien, c'était juste tout jaune. Et vu qu'il avait une tête un peu ronde, ça faisait vraiment ballon, quoi. Et voilà, je pense qu'il était traumatisé. Bah voilà, c'est en même temps c'est tout ce qui est mérité. C'est Je lui pense qui l'a qu'il devrait voulu. témoigner. Non, c'est mon choix, par exemple. Ah là là. Bon, en tout cas, merci d'avoir participé à cette émission. On espère vous retrouver très pour une prochaine émission tous les deux. Avec plaisir. Bon plaisir. Voilà, il y a qu'est-ce que je vais dire? Oui, normalement le prochain épisode qu'on va faire, c'est l'épisode que Adam nous réclame depuis 1000 ans à peu près. Un épisode sur la haine, ce qui nous fait serrer des dents et serrer les poings. Donc je sais pas si ça vous dit de participer. Voilà, on donnera. Moi, quand il s'agit d'ailleurs des gens, je suis là. Non, c'est plutôt sur des situations ou des choses en particulier. Je sais que. Lié à des gens. Voilà. Par exemple. Mais du coup, oui. Voilà, donc ce sera le prochain épisode. Du coup, on termine, on clôture cette phase de hors-série qui était en 3 émissions. Merci d'avoir participé. J'espère que vous avez passé une bonne écoute. Et on va terminer sur un mot de la fin. Jonathan? Yes. Très bien. Poil. D'accord. Brice? Stéphane Guivarch. Joanne? Chaîne. Ok, et ça sera clé. C'est le mec qui a regardé autour de lui en panique, qui a vu une clé. Il a dit clé. C'est totalement ce qui vient Mais de tu sais se que j'ai fait passer, je exactement pense. pareil, j'ai vu une poêle là-bas, c'est pour ça que. D'accord. Ah donc ce n'était pas Par contre, moi, poil. je vais faire 23 podcasts et j'ai cité les 23 Français champions du monde 98. Hein. T'as commandé par Stéphane Guivarch. Non, la dernière fois, j'avais commencé par Youri Djorkaeff. Yes. On va tenir un tableau pour voir si tu respectes tes engagements. Toujours. Bon, en tout cas. On va se quitter ici. Salut. Bonsoir Bisous. ou bonjour.